Bienvenue à l'épisode numéro 60 d'Horreur Gamer. Yes, 60! Wouhou! Regarde, je sais pas. Non, mais je sais jamais. Je sais jamais si je peux te dire de quoi au début, avant que tu fasses les présentations comme Seb, là, je veux pas gâcher ton introduction, Jeff. Il y a comme eu un blanc, puis on était comme, ah, oh, faut réagir, wouhou! Ben, j'ai pas de grosse présentation. Ben, mon nom, c'est Jean-François Tremblay, et Sébastien n'est pas là. J'étais en remplacement de Sébastien, parce que Sébastien a de l'eau dans la cave. Il a des problèmes, problèmes d'eau dans sa cave, littéralement. Et donc, il faut qu'il s'occupe de ça ce soir. En ma compagnie, celui qui ne tient plus en place depuis qu'ils ont sorti une partie de la programmation de Fantasia 2016, Steven DeFrançois. Salut, Steven! Salut, JF! Et avec nous autres aussi, celle qui est maintenant une vedette parce qu'elle est passée dans le journal La Tribune avec son projet de Bistro Cinéma La Capsule, Vicky Langlois. Salut Vicky! Salut! Appelez-moi le petit Barry! Je veux un autographe! Ta photo, tu sais, t'as mon collègue qui fait genre 6 pieds, full svelte, et j'arrête pas de dire à tout le monde, m'avez-vous vu sa photo, j'ai l'air d'un petit Barry, j'ai l'air d'une petite baguette. Mais il fallait que je te montre de quoi t'as vu. La photo, okay. Exactement pensée, là, d'une photo d'agenda de cégep, là, c'est incroyable. Okay. Là, vraiment, hein? Ça, c'est un agenda de moi, un de mes agendas de 94-95. Oh, oui. C'est tellement ce genre de photo-là. Là. Oui, vraiment. Mais c'est ça. C'était le concept. Vous marchez vers... C'est parce que là, au début, en plus, check, ben, OK, elle vient dans le local, mais il n'y a rien dans le local. Pour vrai, il est vide. On n'a pas d'entrepreneur encore. Fait qu'il n'y a absolument rien. Fait que là, elle dit, ah, mais il y a des échafauds. Puis là, j'étais comme, elle ne pourra pas faire une petite photo par rapport au travers d'échafauds accrochés. Tu sais, c'est... Ça manque tellement d'originalité. Là. C'est genre, ah, c'est du brut, c'est du rough des échafauds. Non! Non, ça fait pas, c'est pas, non, arrête, non. Mais La Tribune, ils ont ce gros problème-là, ils ont tout le temps le même genre de photos, un peu comme le Journal de Montréal, qu'ils ont tout le temps les photos de gens qui pointent des choses. Bon, ben, La Tribune, eux autres, ils ont tout le temps l'espèce de côté edgy, fait que c'est tout le temps des photos dans briques, ou des photos dans des échafauds, tout ça comme à travers d'un grillage, c'est tout le temps ça. Fait que là, quand elle m'a dit, je fais, OK, non, fuck you, là, non. Fait que quand elle a dit, bon, on va aller dehors, on va marcher, j'ai fait, bon, c'est peut-être un peu que t'aimes, mais ça va être plus vivant qu'une photo dans des échafauds. Oui. Tu sais, ça fait juste dire « on est en construction ». C'est pas de moi. Tandis qu'une photo qui marche, surtout pour à Sherbrooke, il y a comme deux Wellington, il y a la nord puis la sud. Puis nous, on s'en va dans le sud, qui est la portion genre héroïne, crack et bar. Fait que, tu sais, de marcher de même, c'est comme de dire qu'on a une vision pour la Wellington Sud. Fait que, tu sais, jamais quand même ça fitait avec le concept. Mais j'ai quand même l'air de la petite baquette. Ben non, c'est une bonne photo. Au départ, je me disais, crime, es-tu en train de passer dans le magazine 7 jours? Ouais, genre. Fait que ce soir, on parle des vampires venus d'ailleurs. On parle de quel film déjà? Qui vous les nommez? Ben, en premier, on parle de Thirst de Park Chan-wook, un film coréen de 2009. Non, Steven, en premier, on parle de l'autre film. C'est même toi qui l'as dit. Moi qui ai dit ça? Oui, Jeff. Oui. Ok. Non, c'est moi qui ai dit qu'on a parlé. En tout cas, peu importe. C'est parce que l'autre, je suis pas capable de nommer le titre au complet en rappelant. A girl walks alone. A girl non, walks home walk alone. Home alone at night. Ah, tu vois, t'es pas mieux, JF. Hein? Annaline quelque chose. En tout cas, on commence avec celle-là. On commence avec celle-là. Après ça, c'est Thirst. Première chose que je voulais dire avant qu'on commence. On a un auditeur qui peut nous voir en ce moment, qui va pouvoir regarder ce show-là en version vidéo, parce que cette personne-là a fait un don sur notre Patreon, un don de 3$ qui donne le droit de voir la version vidéo de notre épisode. Donc, c'est Didier. On salue l'ami Didier. Salut! Hello! Qui peut maintenant nous voir. Tu m'as pas prévenu avant. Je vais aller mettre mes bobettes. Désolé. Ah! Fait que si vous voulez voir nos épisodes en vidéo aussi, allez sur patreon.com/horreurgamer et faites-nous un petit don. On est maintenant à 6$ par mois et si on atteint le 10$, ben, notre hébergement est payé. Fait que et il reste vraiment plus beaucoup pour que ce but-là soit atteint. Il y a d'autres buts aussi. Et donc ça nous encourage et tout ça. Fait qu'il y a d'autres buts aussi. Allez voir sur la page, il y a plein de trucs intéressants auxquels vous aurez droit selon les montants que vous allez donner. Et c'est cela. Et donc, je voulais faire aussi un petit aparté avant qu'on commence par rapport à l'épisode qu'on a fait, l'épisode 59, il y a deux semaines. J'ai lu, depuis cet épisode-là, j'ai lu The Witches par Roald Dahl. Oui. Le roman. J'ai lu en fait deux romans de Roald Dahl dans la même semaine. J'ai lu Charlie la chocolaterie, puis j'ai lu The Witches. Puis ils ont quand même des parallèles pas mal, mais je vais surtout parler de Witches. J'ai plus aimé ça que le film. Faut dire que, comme j'ai dit dans l'épisode, je suis pas tellement attaché au film tant que ça. T'sais, j'avais aimé ça quand j'étais jeune, d'être ça creepy aussi, mais pas, plus, j'étais pas plus attaché que ça. Puis j'ai beaucoup aimé le roman parce que le roman, la finale est différente. Il n'y a pas cette grosse, cette fin-là, happy ending, que, à mes yeux, à moi, n'a pas vraiment rapport dans le film. Dans le roman, tu sais, c'est un happy ending aussi. Sauf que du point de vue du petit garçon, lui, il est heureux d'être une souris. Puis tout le long du roman, du moment qu'il se fait transformer, ça prend même pas 5 minutes qu'il est transformé, qu'il trouve déjà ça super cool d'être en souris, puis de pouvoir courir, pouvoir faire ci, pouvoir faire ça, puis à un moment donné, faire des acrobaties avec sa queue, puis tout, il adore ça. Puis il sait dès le départ qu'il ne pourra plus jamais redevenir humain, il n'y a pas de façon de redevenir humain. Puis il n'y a pas cette finale-là avec une sorcière qui devient bonne à la fin, qui n'a aucun rapport, là, tu sais, que ça sort un peu de nulle part dans le film, puis. T'sais, les sorcières sont méchantes, il n'y a pas de sorcières bonnes. Les sorcières sont méchantes, puis ça s'arrête là. Puis, j'ai vraiment beaucoup aimé ça dans le roman. Je l'ai dévoré en 24 heures ou en 48 heures, je me souviens plus trop, là, mais. Est-ce que c'est enfant-ado Oui, ou c'est roman adulte c'est enfant-ado? enfant-ado. Ouais. OK. Puis, je sais qu'il a écrit des romans d'adultes, mais ça, puis Charlie la chocolaterie, c'est vraiment des romans pour enfants. Puis, tu sais, je suis OK. passé de ces deux romans pour enfants-là directement après ça à The Witches of Eastwick, que j'étais en train de lire, qui est un roman vraiment plus complexe un peu. J'ai pas mal. Je me vois pas moi-même. Ok, c'est ça. Puis ça a été au compliqué au début de replonger dans de la littérature adulte avec des phrases qui font des fois la moitié d'une page. Mais je commence à aimer ça, là. Je commence à trouver ça plus fun après 130 pages, là. Ça a pris un petit bout de temps que je m'adapte, là, mais ça commence à être trippant. Fait que j'ai hâte de vous en parler puis de revoir le film éventuellement. Ça doit faire 20 ans que j'ai pas vu ce film-là. Fait que c'est cela, je pense que. Est-ce qu'on avait d'autres choses à dire avant le début de l'épisode? Ben moi, je veux dire un petit allô. Oui. Il s'appelle Jesse Anctil, puis il est venu me voir sur Facebook après l'apparition justement de l'article dans le journal local, que tu sais, dans la presse locale, comme quoi j'allais ouvrir, puis il dit « Hey, c'est un super idée, moi je suis un grand cinéphile. » Puis il dit « Attends un peu là. » T'es-tu la Vicky de Horror Gamer? Et je fais « Eh oui, la seule et l'unique, la même Vicky. » Fait que, oh shit, je vais connaître la Vicky d'Horror Gainer. Eh oui, tu viendras me voir au resto, tu viendras me voir enregistrer les dimanches soirs direct dans le resto pour avoir un meilleur micro. Alors, fait que, je voulais juste te dire un petit coucou, un petit allô, puis on va se voir quand ça va ouvrir. C'est tout. Il n'est pas relié avec Jannick Anctil, qui a fait la critique Oui, de podcast, là. Oui, OK. mais lui, il n'est pas au courant quand même. Fait Non? que, OK, parfait. ben, Jannick, il n'est pas au courant. J'ai essayé de le mettre au courant, puis ça n'a pas marché. Fait qu'il n'est pas au courant. D'accord. C'est son père. Fait que. Ah, OK. D'accord. Je me demandais, parce que j'ai cru voir qu'il était. Ouais, OK. Qu'il Ouais. était en contact l'un et l'autre sur Facebook. Fait C'est comme que. ça qu'il a comme vu, Jannick a publié, puis lui il a vu, fait qu'il a comme fait waouh, c'est super, puis là, il est venu me parler vite vite, genre comme quoi c'était un beau projet, puis tout, j'ai dit ben merci, puis là c'est là qu'il a allumé que j'étais la même vie que Ah, OK. Horror Gamer. Cool. Donc, ben là-dessus, on est prêt à commencer? Yes! Petite madame qui crie, vas-y! Donc, notre premier film ce soir, c'est A Girl Walks Home Alone at Night, réalisé par Anna Lily Amirpour en 1900, en 1900, en 2014. C'est moins vieux que ça, 2014. C'est un film qui se passe donc dans une petite ville en Iran, même si c'est tourné en fait aux États-Unis. Ça se passe en Iran donc, on suit plusieurs personnages. On suit un jeune garçon avec son père, un jeune homme, je veux dire, de début vingtaine avec son père qui est junkie. On a un pimp, on a une prostituée, on a une jeune femme riche aussi, qu'on ne voit pas tant que ça beaucoup, en tout cas. Puis on a un personnage mystérieux d'une jeune femme. Qui s'avère finalement être une vampire, c'est pas vraiment un spoiler, mais puis qu'elle se promène dans les rues, puis tout ça, puis elle rentre en contact avec ces différents personnages-là. Qu'est-ce que ça veut dire? Walks alone the night. Exactement. Fait que je pense que ça résume un peu la chose, là. On va en parler plus, là. On n'a même pas établi d'ordre, en fait. Y a-t-il Ouais. quelqu'un qui voulait commencer ou. Ben moi je vais faire ce cours, puis comme Steven il a empiété sur mon temps tout le long du dernier épisode, Bonne idée. C'est je gratuit. vais bang, je le coupe puis je commence. En fait, les deux films de ce soir, c'est un peu mon idée. Je sais pas si c'était dit dans le dernier épisode ou c'était off mic, on l'avait dit, que j'avais envie de faire un épisode justement sur les vampires étrangers avec Thirst et l'autre film au nom beaucoup trop long. D'ailleurs, il y a une étude hein, qui dit que quand ton nom de film est trop long, c'est un film qui va moins pogner au cinéma. Je sais pas si ça peut être confirmé avec ce film-là, mais je trouve que c'est vrai que ça peut venir à être compliqué à toujours le nommer le titre. Ben c'est vrai, tu sais, l'autre c'est Thirst. C'est simple, Oui, c'est non, je court. sais. A girl Je suis walk d'accord. home alone. C'est parce que la recherche aussi des bases de données va être difficile. Oui. Bref, tu sais, tu le cherches sur Netflix, là, t'es pas sûr que t'as fait une erreur, whatever. Ben, 10 Bref. choses que je déteste de toi, il y a un long titre, puis ça a été un succès. Ouais, mais c'est clair. 10 things I hate about you. Tu sais, il n'y a pas 10 things I hate about your father, your brother, and half-sister. Tu sais, je veux Ça dire. Ça va être malade, ça. Tu sais, je sais pas. C'est passé. Mais des fois, ça comme... peut être drôle. C'est comme Woody Allen avec ça, tout ce que vous êtes toujours voulant sous le sexe. Ou bien Dr. Strangelove, puis son sous-titre. Là. Mais c'est ça. Et son sous-titre qu'on dit même pas. Tu sais, oui. Parce que quand c'est trop, je pense que quand c'est trop d'adjectifs. Tu sais, 10 choses que je déteste de toi, c'est une phrase. Oui, oui, je comprends. L'autre, c'est des adjectifs. Like, tu finis par plus savoir dans quel ordre qu'ils vont aussi. A girl walks exactement. Home alone at night. T'sais. Exactement. Bref, le film, moi, il m'avait vraiment, vraiment charmé. J'ai pas eu la chance de le réécouter pour l'épisode cette semaine. C'est pour ça que je voulais pas faire le résumé. J'ai revu un peu les images. Je suis retournée voir les bandes-annonces pour me remettre dedans. J'avais oublié quelques personnages. Il y a un caïd dans le film, je l'avais oublié. Et la prostituée également. Je les avais oubliés. Pourtant, je trouve que c'est tous des beaux personnages. Je trouve que ce film-là... Surtout que la prostituée est assez importante. Oui, mais je... mais ce film-là, moi, il m'avait marqué parce que c'est vraiment un film de direction photo. Et je trouve qu'il est exactement dans la lignée de ce qu'on disait la semaine passée avec It Follows, Babadook, The Witches, The Witch, The Witch, et celui-là, A Girl Walk Home Alone at Night. Je trouve que c'est tout le même genre de film où la direction photo va prendre un step forward, va être un pied devant l'histoire. L'histoire va être très simple, l'histoire va être mise à interprétation, l'histoire va nous laisser voguer sur plusieurs sujets et on va prendre place sur des images. Moi, je me souviens quand j'ai écouté ce film-là, j'ai mon bouton print screen avait chaud. J'arrêtais pas de prendre des captures d'écran. Je trouve que chaque plan est incroyable. Le film est tourné en noir et blanc et c'est rare que je trouve que c'est important. Ici, est-ce que c'est important? Je ne sais pas, mais je trouve que ça rajoute énormément parce qu'il y a une richesse dans le noir. Je trouve qu'elle joue bien, elle balance bien les gris et le noir, qui fait en sorte que chaque le film apporte vraiment quelque chose de sombre, là, quelque chose de sans être étouffant, plutôt hypnotisant. Moi, je trouve que ce film-là, c'est un film hypnotisant. Moi, je suis une fan de films de vampires sanglants. Et pourtant, ce film-là m'a vraiment conquise. J'avais envie de le réécouter. Je pouvais vraiment pas cette semaine. Ça avait juste pas de sens. Mais c'est sûr que je vais le réécouter éventuellement. Il est dans ma banque de films que je veux acheter, que je veux proposer aux gens de la location parce que je pense que c'est un film qui mérite d'être découvert. Le personnage masculin joue un peu le bad boy sexy. Quand il rentre en scène, moi, j'avais l'impression qu'il allait jouer... être un petit peu un petit caïd, là, un petit peu plus fort que ce qu'il est réellement. Je m'attendais à un personnage plus frondeur, plus arrogant. Il y a un look très James Dean, oui. Jeans noirs et t-shirt blanc, c'est voulu. C'est pas, hein, je trouve que, non, c'est très non, in your c'est face. C'est incroyable la ressemblance, c'est fou. Oui, de profil, avec la de loin, couette, tout, c'est oh, et ça tout. Exactement. Fait que c'est un beau gosse qui joue un peu les parvenus, les jeunes premiers. Mais ça fonctionne, surtout que le rôle du jeune premier au théâtre, c'est vraiment l'innocence. C'est vraiment, c'est pas la personne qui va prendre l'épée. Généralement, le jeune premier, c'est lui qui va se cacher, c'est lui qui doit être marié. C'est pas un héros, un jeune premier. C'est un penchant très féminin, un jeune premier, généralement. Puis j'ai trouvé que ce personnage-là l'incarnait bien. C'est un retour du genre de personnage qui doit être sauvé, mais masculin. Ce qu'on voit de moins en moins, il y a une présence virile alors qu'il ne l'est pas. Donc, je trouve qu'il y a vraiment un antagoniste dans ce personnage-là que j'ai adoré. Le personnage féminin, même chose, toujours voilé de noir. On vient réutiliser l'objet du voile Aram qui fait tant jaser. On le réutilise dans ce film-là. Puis ça, j'avais aimé ça beaucoup, beaucoup. Ça devient une espèce de cape, ça devient une tache noire. Quand qu'elle suit le caïd, là, j'ai pas d'autre nom pour lui, mais quand qu'elle suit le méchant, mais il est pas méchant, mais en tout cas, quand qu'elle suit... Il est épais. C'est ça, il est épais. Mais tu sais, c'est une grosse tache noire qu'il suit. C'est vraiment, elle aussi, a l'air d'une petite bacaisse. Elle a l'air d'un petit baril qu'il suit dans le noir. Puis ça m'en rend inquiétante. Mais lui, il est grand, il est carré, il a montré qu'il savait se battre. Il a toujours un couteau sur lui, si je me souviens bien. Puis elle arrive, elle est zéro inquiétante. C'est une petite fille, un peu punkette ses bords, mais tu sais, Converse puis chandail aligné, là, rien de... pas de tatou, pas de full de piercing. Fait que, elle a l'air un peu innocente, un peu vierge dans sa démarche, dans son attitude. Et là, elle arrive, puis finalement, c'est elle le vampire. Fait que là, tu fais, OK, c'est frêle sans être frêle. Bref, j'avais vraiment aimé les contrastes dans ce film-là. J'avais adoré la direction photo. C'est que c'est vraiment un film qui est dense, sans être lourd, mais la marge est mince. La marge est mince, à mon avis. Je pense que ça peut facilement tomber dans l'eau. Je pense que ça peut facilement tomber dans l'ennuyant. Mais si t'es captivé, si t'es hypnotisé comme moi, je l'étais avec celui-là. Bon, on l'est pas sur tous les titres. Hein. La semaine passée, je sais que GF, toi, t'avais pas été hypnotisé du tout par Witch. Tandis que moi, je l'étais. Mais moi, It Follows et un autre film dont on parlera plus tard, j'avais pas été hypnotisé. Mais je pense que c'est vraiment la manière que tu entres dans le film qui va caractériser ton écoute du film. Et j'ai hâte de savoir ce que vous avez aimé. J'aurais aimé ça savoir ce que Seb a, ce que vous avez aimé, si vous l'avez aimé. Et j'aurais aimé ça savoir pour Seb. Fait que j'aimerais ça, Seb, quand tu vas écouter l'épisode, que tu viennes me voir en privé. Parce que c'était mes choix de film. Parce que justement, je voulais vous entendre parler de ces films-là, savoir ce que vous avez aimé. Et, ou pas. Et, voilà, quand même, cet hiver, on avait fait un autre épisode. Puis c'était, avec la musique, là, à peu près la seule musique que j'aime, là. Oui, c'était Only Lovers Left Alive. Ouais, wow. Only Lovers Left Alive, encore une fois avec des vampires, encore une fois un film très hypnotique. Lui, par exemple, je trouvais qu'il caractérisait beaucoup sa génération. Je trouve que The Girl, un petit peu moins, c'est pas son importance, c'est pas sa cible. Mais je trouve que dans les deux cas, tu sais, comme Seb, il avait pas embarqué beaucoup dans Only Lovers, puis il disait j'aurais voulu, mais ça n'avait pas venu me chercher. Ben, je me demande si ce film-là, qui je trouve peut avoir les mêmes ambiances parfois sans être autant sur la musique, mais là on remplace la musique par l'image, on remplace le son par les couleurs et le contraste, ça peut vraiment être dans le même bateau pour une appréciation, fait que j'aurais aimé ça savoir, puis ben je vous laisse parler les gars. Mais si Sébastien écoute l'épisode puis il veut de partager son opinion, je pense qu'il devrait le faire en public sur notre page Facebook, ça serait intéressant d'avoir son opinion. Je pense que tout le monde serait intéressé à ça aussi. Tu veux-tu continuer, Steven? Oui, bien sûr, je m'attendais à ce que ce soit moi. Oui. Bienvenue dans la ville de Bad City, une ville sombre, lugubre, où la mort traîne un peu partout, que tous les personnages sont solitaires, dépressifs, et qu'il n'y a pas grand signe de vie dans la ville. Et j'aurais aimé ça que Seb soit là ce soir, parce que j'aurais aimé ça qu'on ait le plus d'avis possible, parce que j'ai peur d'être tout seul, parce que honnêtement, j'ai vraiment pas aimé ça. Puis là, je vais pas jouer mon hater, là, je vais pas varger sur le film, mais je vais commencer par dire que visuellement, Vicky, parfaitement raison, le noir et blanc du film est incroyablement hypnotisant, magnifique. Les scènes de nuit ressortent encore plus sombres, c'est vraiment fantastique. Il y a des plans que je trouvais vraiment de toute beauté, c'est super bien cadré, il y a vraiment un gros travail au niveau de l'esthétique et de la photographie. Est-ce que le noir et blanc est justifié? Je le crois pas. Je pense que le film aurait été en couleur, ça n'aurait rien changé au bout du compte, que le seul but, c'est que ça, c'était là juste pour être un peu plus tape à l'œil. Un côté plus artsy, film d'auteur, puis je pense que c'est ça qui m'a le plus gossé avec ce film-là, c'est que j'ai trouvé que c'était un film... Là, je ne vais pas généraliser, moi, c'est vraiment la manière que je l'ai vu. J'ai trouvé que c'était un film prétentieux, tape à l'œil et vide. Je trouvais qu'il n'y avait rien là-dedans qui venait m'accrocher. Tous les personnages, je m'en foutais. Il n'y avait aucun vraiment fond qui était développé. Le père Junkie, je m'en foutais. On le voyait de temps en temps, juste qu'il était comme accro à drogue, mais on ne passait pas vraiment de temps avec. On n'apprenait pas trop à le connaître. Même chose pour le pimp méchant. Je m'en foutais royalement. On n'a pas vraiment appris à connaître aucun personnage du film. C'est peut-être ça aussi le but. C'est juste on rencontre quelques âmes solitaires dans cette ville fantomatique, puis qu'on va juste voir des changements dans leur quotidien ou dans leur vie causés par la fille solitaire. Ça, c'était peut-être un aspect que j'ai trouvé plus intéressant, mais contrairement à ton autre film que tu avais mis de vampire, Only Lover... Left Alive, oui. Left Alive, je trouvais que lui, il avait des personnages vraiment intéressants, fait que je m'accrochais à ça, tandis qu'ici... C'est comme, faut que je m'accroche au visuel, faut que je m'accroche à l'esthétique parce qu'il n'y a pas vraiment d'autre chose pour m'accrocher. Ce qui est dommage parce qu'après 1 heure de film, parce que ça prend quand même 1 heure avant que les deux personnages principaux finissent par se rencontrer, Honnêtement, je pensais que j'allais réaccrocher au film parce que j'aime beaucoup leur rencontre sur le trottoir. Lui déguisé en Dracula, elle qui se rencontre, qu'elle veut l'amener chez elle, mais il veut pas marcher, il veut rester assis. Fait qu'elle va le mettre sur son petit skate puis le traîner tout le long. Honnêtement, magnifique scène. J'aimais leur genre de chimie. Il y a quelque chose qui se dégageait là-dedans. Et je trouvais ça intéressant. Puis je me disais, bon, finalement, je vais peut-être embarquer dans le film. Puis après ça, finalement, on va revenir à un film où ils vont se séparer, qui n'ont pas tant de scènes là ensemble. Même la scène dans l'appart, je la trouvais longue. Tu sais, il y a des scènes qui s'étirent, puis qui a vraiment juste l'air là pour que ça soit beau esthétiquement. Puis là, il arrive une scène qui est comme vraiment venue me confirmer le côté vraiment genre tape à l'œil, prétentieux, film d'auteur. C'est comme. T'as la scène dans l'appartement entre ces deux-là avec une toune qu'elle met sur le vinyle. Excellent soundtrack, en passant. La musique, j'ai adoré. Une scène avec une boule disco. Visuellement, elle est super belle, la scène, mais je trouvais qu'elle s'étirait. Puis au moment où tu penses que ça va aboutir vers quelque chose, c'est entrecoupé d'une fille qui danse avec un ballon pendant comme 2-3 minutes. Puis ça me rappelait juste quasiment la scène du gars qui filme un sac d'épicerie qui vole au vent d'American Beauty. Comme... Oui, c'est vrai. Il me semble que j'avais fait ce rapprochement-là. Enfin, j'ai comme fait non. C'est le film qui est... Pour moi, en tout cas, dans mes cordes à moi, c'est pas venu me chercher. C'est juste venu m'exténuer. Mais comme je dis, je veux pas varger. Je trouve juste que c'est peut-être juste vraiment pas dans mon style. Je suis pas capable de juste apprécier un film visuel puis qu'il n'y ait vraiment aucun fond. Tu sais, je dis ça puis je me contredis parce que je l'ai fait avec Beyond the Black Rainbow avec GF. C'est un film qui est quasiment plus misé sur son visuel que son scénario. Mais là, avec celui-là, j'ai vraiment eu de la misère. Puis surtout que j'ai télé des opinions par la suite. Puis, tu sais, la réalisatrice était comparée à la future Quentin Tarantino. Puis plein d'affaires de même. Je suis comme, come on, là, c'est comme abusif. C'est pas le même genre de cinéma. Puis, il n'y a pas tant de dialogue que ça. Tu sais, le film mise beaucoup justement sur les non-dits. Puis, je sais pas, j'ai juste pas accroché pantoute. Puis, la fin était juste un gros pouet-pouet aussi. Ça, je trouve que ça finit de manière un peu comme. Facile. Puis j'ai rien de plus à dire. Puis j'étais comme, je suis sûr que je vais être tout seul, comme Jeff avec The Witch, à pas avoir aimé. Puis j'espérais que Sébastien soit là aussi pour avoir d'autres opinions, mais désolé, Vicky. Puis je vais pas contredire tout ce que tu as dit sur ton film. T'sais, les qualités techniques, visuelles sont clairement là, mais moi, je trouvais que c'était beaucoup trop vite pour finalement venir me chercher. Là. J'ai envie de rire parce que t'es tout seul à soir parce que moi j'ai fucking adoré ce film là. Ah ouais? Oui. Yeah, on a retrouvé notre GF qui a j'ai envie de me marier avec ce film là. J'ai adoré du début jusqu'à la fin là. T'sais, j'étais accroché, j'étais pas sur le bout de mon siège mais à cause des images puis comme vous l'avez dit le visuellement c'est génial. Mais j'ai vraiment beaucoup aimé cette histoire d'amour là. Je dis histoire d'amour c'est quand ils se trouvent un moment donné dans le film quand justement au milieu du film quand ils se retrouvent tous les deux qu'il y a comme une chimie entre les deux puis c'est comme deux personnages perdus qui finissent par se quand elle l'approche de tu sais il est toujours de profil de dos un peu puis elle l'approche lentement de dos là je pense que j'ai comme 8 captures d'écran de ce moment là puis je savais pas laquelle était le plus belle là. Et tu sais lui il représente l'innocence comme tu dis tu sais il est amanché un peu comme James Dean tu sais je trouve qu'il fait vraiment très années 50 puis elle a fait très années 60 c'est une chose qui m'a frappé dans le film elle a fait très elle ressemble un peu à Anna Karina l'actrice de Jean-Luc Godard des années 60 tu sais avec sa coupe de cheveux ses vêtements puis en même temps la musique qu'elle écoute c'est très années 80 tu sais c'est bizarre un peu puis on en revient tantôt sur une théorie que j'avais vers la fin du film. Là, quand on aura fini, je le dirai, ça sera une petite section spoiler de 2 minutes. Là, mais c'est ça, non, en gros, j'ai vraiment beaucoup aimé la lenteur du film, la poésie visuelle et tout ça. J'ai aimé son humour aussi dans certains de ses personnages, comme le Pimp, qui est vraiment idiot, puis qui est vraiment trop exagéré. C'est un gros cliché, là, mais il m'a tellement fait rire, tu sais, puis... Elle aussi, elle a une façon d'être le personnage vampire. Elle a une façon d'agir un peu des fois avec ses victimes qui est un peu comme... tu sais, on a un chat dans le film, puis je faisais des parallèles entre elle puis le chat. Tu sais, le chat, ça aime jouer un peu avec sa proie, je pense. Puis elle a joué avec sa proie de temps en temps. Elle va jouer avec le petit garçon pour l'avertir. Avant de l'avertir, ça va comme le niaiser un peu. Puis elle a ce petit côté-là qui est un peu gamine dans sa manière d'être prédatrice, là, tu sais, puis qui me plu. Moi, la scène de la je pense que c'est la prostituée qui danse avec le ballon, mais je suis pas sûr. J'étais pas sûr c'était qui ce personnage-là, mais je pense que c'est la prostituée. Mais en tout cas, ça m'a pas trop dérangé. Là, c'était comme bizarre, puis je comprenais pas trop le sens, mais ça m'a pas au pu... T'sais, c'est ça. Oh, ça m'a pas dérangé tant que ça. Ça m'a pas gâché mon appréciation. Puis, non, en gros, c'est ça. J'ai tout aimé. Visuellement, musicalement, toutes les performances d'acteurs, la manière que la caméra est placée des fois. T'sais, comme à un moment donné, une scène vers le début du film dans le vieux char, encore là, années 50, qui appartient à notre personnage principal. On a une scène entre le pimp et la prostituée, puis la caméra est placée dans les petites fenêtres rondes du char, t'sais, on voit de chaque bord, puis en tout cas, ça, j'ai aimé ça. Il y a tout, j'aimais tout dans ce film-là. Je sais pas, j'étais bien disposé ce soir-là, j'imagine, à aimer ça. J'étais de bonne humeur, puis j'aimais ça. J'ai vraiment accroché. Ben, pour ça, je disais ça aussi la semaine dernière, ou plutôt lors du dernier épisode. Je pense qu'un film intime et long, faut que tu embarques dans le contexte du film, puis certaines fois ça fonctionne et d'autres fois ça ne fonctionne pas. Mais je l'ai pas trouvé long, c'est 1h40, je pense, mais je l'ai pas trouvé long moi, dans ma tête, là. Ben, tu sais, comme je te dis, il y a plein de scènes que je me souvenais pas, là. Je regarde vite, vite pour être sûr que je n'oublie rien, puis il y a une scène où il donne des boucles d'oreilles, j'avais carrément oublié ça, moi. Ouais. Je sens pas que c'était essentiel au déroulement du film quand Non, il donne puis les boucles d'oreilles. ma seule lacune, c'est que le personnage à qui il vole les boucles d'oreilles, c'est genre une jeune fille de riche, puis on la revoit juste dans Ouais. une autre scène après, puis après ça, on la revoit plus vraiment, fait qu'elle n'a pas Ouais. d'importance. C'est la seule chose. Je trouve qu'elle vrai elle servait pas à grand-chose dans le film, mais c'est tout. Ben, montre à quel point qu'il était loser. Me semble, hein? Ouais. Puis y a-t-il d'autres choses? Non. D'autres choses que je voulais rajouter? Non, me semble pas. C'est un film poétique. C'est vraiment un film poétique. Ça, par exemple, Puis je vais parce faire que un c'est pas petit. démonstratif, là. Non, non. Je voulais juste avoir une petite discussion sur une théorie que j'avais qui pourrait être un spoiler. Fait que je sais pas si. On fait un petit 2 minutes de spoiler à peu près, là. Puis je marquerai les temps Ah, ben, si tu dans le veux, moi, post. je me souviens, j'ai pas de spoiler ben, mais oui, tu peux. Non, c'est juste que c'est une théorie, puis je veux pas la dire nécessairement dans le segment principal. Là, OK. mais si vous voulez, en tout cas, ceux qui nous écoutent, si vous voulez la skipper, mettons, je vais marquer ça dans le post, là, mais ça va être pas tellement plus que 2 minutes, je pense. OK. On voit des fois des flashs quand elle est couchée, la fille, on voit des flashs du gars de James Dean, là, t'sais, mais dans un genre de grand couloir, là, t'sais, qui s'approche vers elle. Puis je me suis posé la question si ça, c'était pas des images qu'elle avait du gars qui l'avait transformé en vampire, mettons son attaquant. Puis je me suis demandé si c'était pas notre personnage principal, si lui-même c'était pas un vampire. Puis qu'il savait peut-être même pas lui-même. Mais il est souvent au soleil, par Ouais, il est exemple. au soleil. Ouais. Parce que je me disais, mettons qu'il serait mort des années 50, puis il aurait gardé ce Ouais. look-là, puis elle serait morte des années 60, elle aurait gardé ce look-là, t'sais. Les deux, en tout Ouais. cas, dans ma tête, ils représentaient chacune une décennie différente, là, puis. Ouais. Mais non, vous avez raison, je pense que ça Mais marche pas. peut-être que c'est plutôt ça, ça voit peut-être le gars qui l'a transformé en lui. Peut-être. Ouais. C'est peut-être pas ça non plus. Peut-être. Je sais pas pourquoi est-ce qu'elle voit ces flashs-là de lui quand elle est couchée. Ça arrive 2 fois dans le film. Je m'en souviens pas assez, je suis Ok. désolée. J'aurais aimé ça te donner Fait une que moi, théorie. honnêtement, moi, je veux pas trop rajouter mon gré parce que je vais juste dire que ça sert pas forcément à grand-chose comme ben des scènes dans le film. Comme elle disait Vicky, la scène avec les boucles d'oreilles, tu sais, elle apporte rien forcément. Puis il y a trop de scènes comme ça, je trouve, qui apportent pas grand-chose. C'est toute l'intrigue avec son père. Moi, je trouve que ça sert à quoi? Le déroulement de la fin, tout ce que ça va apporter, ça n'apporte pas grand-chose, je Ben moi, trouve. je l'aime. Je vais la défendre, l'intrigue avec son père, parce que Christy, on voit jamais ça des gens partant. Je trouve que le problème de l'enfant dont le père consomme, c'est à limite un père alcoolique, une mère alcoolique, mais généralement, il bat ses enfants. Mais le fait de devoir payer pour la drogue de son père, les dettes de son père, moi, je Puis ce trouvais qu'il dit à qu'on un moment donné, faut. il dit, t'es supposé me protéger, t'es supposé être mon père, tu sais. Ouais. Puis ça va, souvent dans les films, ce qu'on voit, c'est une mère alcoolique ou un père alcoolique violent. Moi, je trouve qu'on rentrait vraiment dans un père désespéré. Pis... Ah non, moi, je vais le défendre, son père. J'ai trouvé vraiment que c'est un personnage intéressant. Je trouvais vraiment, quand que je me suis dit, il faut que je revoie ce film-là, c'est un des personnages qui m'est revenu en tête parce que je trouvais que son cas était vraiment unique, que c'est un personnage unique que je voyais pas souvent. Puis je trouve que ça l'amène vraiment une profondeur au jeune garçon parce que, comme il dit, tu es censé me protéger, mais il y a aussi le fait que... Tu sais, je pense qu'il a son auto, puis là, faut qu'il la revende justement pour Ouais. payer les drogues puis les dettes de son père. Puis tu te dis, voyons, tu sais, c'est une vie exécrable. Fait que c'est sûr que la vie de la vampire, puis ce qu'elle lui propose comme futur, est beaucoup plus intéressant. Moi, ce que j'ai vu, mais on en reparlera plus tard. Ouais. Genre, on va reparler plus tard, mais moi, ce que j'ai vu, c'est carrément autre chose dans cette relation-là. Puis, oui, c'est une relation d'amour, là, mais je la vois en lien avec un autre film. Dans le sens où ce gars-là, c'est crappy sa vie, mais on veut pas juste dire, genre, il y a une mère, ses parents absents, whatever. Non, c'est que c'est vraiment crappy. Il y a comme pas d'espoir. Puis, il essaie de croiser une fille riche qui aurait pu avoir un peu d'espoir. Puis, ça, il fait carrément comprendre que non, t'es pas à ta place à me croiser, là. Fait que non, moi, je pense que le père, c'est vraiment un point important dans le film, là. Puis il est vraiment intéressant comme personnage. Puis pour conclure, ben, sur sur une autre affaire, c'est pas sur cette affaire-là, mais j'aime vraiment beaucoup l'image de la femme voilée comme vampire. Je trouve que c'est C'est vraiment hot, là. powerful, hein? C'est très fort comme idée, là. C'est la reprise d'un symbole d'entrecrinement, d'un symbole de chaîne, tu sais, la chaîne à un pied, si on veut, là, c'est vraiment un symbole fort. Puis c'est sur la pochette. Oui. Tu sais, c'est la pochette, c'est ça. Fait que tu te dis, wow! Ils ont osé, puis ils sont allés, puis ils ont dit, go for it. Puis, tu sais, c'est un film qui se passe en Iran, pas en Irak, en Iran. Iran. En Iran, c'est ça, mais qui a été tourné aux États-Unis. Fait qu'il y a vraiment une prise de position aussi. Il y a un statement dans cette idée-là de, il y en a qui ne portent pas le voile, puis elle a décidé de le porter pour vraiment avoir plus de pouvoir sur les autres parce que ça la fond dans la masse, ça la fond dans la nuit. Elle ne devient, elle devient encore moins peurante parce qu'elle s'enchaîne elle-même. C'est vraiment le, on parle de la vision du voile en tant qu'occidentaux, là. Puis tu sais, le voile en tant qu'occidentaux, c'est que c'est dangereux parce que la personne sous le voile est censée être conne et sans esprit et pauvre d'esprit et prise, enchaînée par un patriarcat. Puis là, c'est comme au contraire, vraiment au contraire. Fait que moi aussi, je suis d'accord avec toi, JF, là-dessus, là, le choix du voile, c'est très powerful. Puis le fait que c'est tourné aux États-Unis, on s'en rend pas compte. Si on le sait pas, on s'en rend pas compte pas en tout. Non. J'ai aucune idée si la végétation fit avec ce que c'est Ouais. supposé être l'Iran, parce qu'on voit des gros arbres à un moment donné qui ressemblent à des gros ananas, là, t'sais, comme des gros palmiers ou je sais pas quoi, Ouais. mais je sais pas si c'est ça en Iran, mais sinon. Ben, un peu comme dans le party de banlieue, là, on sait pas trop si ça peut être en Iran, mais. Mais sinon, toutes les écriteaux, les devantures, Ouais. c'est tout en iranien, je suppose, je sais pas. Il y a un aspect très western spaghetti qui m'a beaucoup plu dans le film. Puis parfois, la soundtrack venait amplifier puis ce côté-là. En fait, le film semble pas mal mixer plusieurs genres en même temps ou styles. Là-dessus, je trouvais ça cool. Ça faisait quand même. Ça arrivait quand même à faire une espèce de tout quand même cohérent. Je trouvais ça bien. Puis pour rajouter au moins encore une qualité, parce que c'est pas un film que j'ai haï non plus. Mais j'ai beaucoup aimé lorsqu'elle suit le père du personnage, puis que ça fait comme un effet de miroir, elle fait juste imiter ses gestes, Oui. ce qui donne une scène weird pour le père, mais en même temps, je trouve qu'elle fonctionne. Je trouvais ça malaisant pour lui, puis je trouvais que la scène était vraiment cool. C'est ça que j'aime, ces petites touches d'humour-là, sa manière de jouer avec ses victimes qui me fait sourire, moi, à chaque fois, tu sais. Puis elle choisit ses victimes. T'sais, elle va pas tuer du monde qui sont bons. Elle va pas tuer le gars, elle va pas tuer la prostituée, elle va tuer le monde qui sont pourris ou qui ont. T'sais, elle choisit le pimp, elle choisit le Ouais. junkie. Elle a un code de valeur. Fait qu'on y va-tu pour les recommandations? Tu veux dire comment qu'on l'écoute là? Ouais. OK. Ben moi c'est sûr que c'est un achat. Puis je vais le prêter autour de moi, mais je vais le passer dans le resto facilement, oui. Ouais. Oui, vraiment. Steven? C'est le genre Garde de. ton point, Steven. Garde ton point. Oh non, gars, je le garde, je vais pas dire oh, le deuxième visionnement devrait me faire changer d'idée. J'ai pas envie de le revoir, le film. C'est pas mal certain que je vais pas le revoir. Mais je le déconseille pas parce que ça a l'air d'être le genre de film que c'est t'aimes ou t'aimes pas. Fait que je dirais Netflix, mais je pense qu'il l'a Il est pas pas. là. Non. Honnêtement, j'ai payé 5,99 puis je regrette un peu d'avoir payé 5,99 puis c'est pas grand-chose, mais allez-y avec une location si quelqu'un l'a acheté. Mais c'est ça. Moi, je dirais qu'un Collector's Edition, ça existerait, là. Puis, Il y en a un. il y en a Un un. putain d'édition Kino que j'ai failli acheter en plus, là. Je pense que je vais me l'acheter. Puis, c'est Sacré sorti en Steven. 2014, fait que si cette année-là, je l'aurais vu, ça aurait été dans mon top 3, genre avec Babadook puis l'étrange couleur des larmes de ton Ouais. Ton corps. corps. C'est. Ouais, moi, j'ai vraiment beaucoup Il a aimé fait ça. partie du gros des listes aussi cette année-là, Ouais. là. Ben, honnêtement, gars, il y a comme 92% sur Rotten Tomato, tout ça. Fait que c'est pour ça que moi, je me disais, peut-être qu'à soir, je risque d'être tout seul. Puis là, quand j'ai su que Seb allait pas être là, je me suis dit, ah, fuck. Puis là, j'étais comme, bon, Vicky, je sais qu'elle aime. J'étais comme, c'est sûr que Jeff va aimer juste pour me contredire ce Ben soir. ouais, c'est ça, c'est juste pour te C'est contredire. rien que pour J'attends ça, juste ça, là, tu sais, que tu dises ton opinion pour changer la c'est ça, mienne. c'est pour ça qu'il a mis la... il a dit la tienne après la tienne. Ah, je m'en doutais, là. Je commencerai avec Terms, tu vas Ah, je m'en doute, là. Là, ça va être le sens contraire. Vous deux, vous allez détester Thirst. Moi, je vais aimer Thirst. C'est bien ça. Ok, ben avant de parler de Thirst, on va aller en musique. Comme il paraît que c'est moi qui. Comme c'est moi qui anime, il paraît que c'est moi qui choisis. Ben, j'ai choisi une toune qui a vraiment un petit lien mince, mince, mince avec le film. C'est le fait que le film a été tourné en Californie. Ça a été tourné à Bakersfield, en Californie. J'ai choisi la chanson Bakersfield qui parle de cette place-là. C'est du groupe Social Distortion. Puis on revient tout de suite après la chanson. Très, très mince, hein? Très, très mince. Très mince. Il me semble que il va être assez court, hein, pareil, le segment sur ce film-là. Vraiment? On n'a pas dit grand-chose. Je m'attendais à ce que vous alliez me sortir genre 10 millions d'arguments, puis là, moi, j'allais juste dire, ben, j'ai pas aimé ça. Puis... C'est con, hein? Je te dirais pratiquement tous les films de même qui sont plus visuels, puis faut que tu t'imprimes des images, puis que le scénario est assez simpliste, puis mince. Globalement, j'aime tout, mais honnêtement, j'ai écouté cela tout à l'heure en après-midi, puis j'embarquais pas vraiment, puis c'est pas de la mauvaise volonté, c'est vraiment juste j'arrivais pas à embarquer. Qu'il faut l'écouter en soirée. Peut-être, je sais pas. Non, je pense pas, j'ai juste vraiment pas Non, je l'ai dit, embarqué. un film d'ambiance, là. Faut que t'ailles chercher la petite twist qui vient te Sans doute parler, que. sinon. C'est ça, les éléments qui sont offerts du film, c'est pas venu dans ma palette, tandis que c'est venu dans la C'est palette à ça. GF. Comme The Witch est venu dans notre palette, GF C'est pas pour ça, lui. exactement. C'est juste ça. Fait que c'est difficile à conseiller ce genre de film-là parce que tu peux jamais être sûr que quelqu'un va l'aimer. Ouais. C'est Ben pas moi, c'est ce évident. que je pense aussi, c'est ça. C'est moi, comme It Follows, là, c'était le hit, puis je suis comme, ben, OK, tu sais, j'aime les images, mais l'histoire... Puis ma chum m'a dit, j'ai écouté un film, là, c'était bizarre, c'était pas super bon, là. Puis là, elle m'a donné le titre en français, c'était sur Netflix, là, puis c'était ça. Puis là, je fais, ah, ouais. Là, elle m'a dit, c'est quoi, je sais pas c'est quoi le titre en français. Puis là, elle me l'explique, je fais, ah, ouais. C'est vrai que... Faut que tu veuilles. Puis tu sais, quand tu connais pas ça, puis c'est juste une suggestion de Netflix, là, ça surprend, là. J'ai même pas pris de note, Motadine, pour dire comment Je c'était sais pas, il y bon. a quelque chose qui m'achalait dans le film. Tu sais, c'est. J'aurais peut-être dû dire ça avant, ça aurait rajouté un peu plus de viande. Mais tu sais, le film se veut féministe, là. Le monde qui critiquait en parlait en tant que tel comme ça. Tu sais, que les personnages féminins dans le film, c'est des personnages forts. Puis tu sais, apporte le voile, puis tout ça comme étant. Tu sais, c'est un peu comme une chaîne, comme t'expliquais, Vicky, puis ces Ouais. choses-là. Puis là-dedans, c'est comme un personnage qui est comme libre, qui va à l'encontre de tout ça. Mais l'autre personnage masculin qui rencontre, il se rencontre deux fois, trois fois en tout avant la troisième fois où que le gars va venir chez elle puis va lui demander de pacter ses affaires. Tu sais, on dit histoire d'amour, mais même là, je peux même pas dire histoire d'amour. J'ai pas l'impression qu'il y a une histoire d'amour qui se forme là-dedans. C'est trop mince. Mais quand il arrive chez elle, tu sais, c'est comme si la troisième fois qu'il se rencontre, il est tout de suite comme pack tes affaires, il est temps, on s'en va. Puis tu sais, elle fait juste le suivre, elle fait juste encore être dictée par lui qui dit que viens-t'en, on s'en va, on change de place, puis elle obéit. Puis c'est comme, pourquoi ce personnage-là, là, va décider de juste obéir à ce gars-là qu'elle a rencontré trois fois, qui va lui faire changer de place, elle va juste s'en aller, même si du coup, elle n'a pas l'air de forcément vouloir. Puis je trouvais que c'était, ça allait à l'encontre de ce que le film essayait d'être un peu en même temps, de ce que je croyais qu'il essayait d'être. Puis Je trouve c'est qu'elle le comme. trouve intriguant, le gars. Je pense qu'elle le trouve fascinant d'une certaine manière. Ouais. Puis c'est quand Ouais, même mais de elle, là. c'est quand même elle qui a le contrôle parce que c'est elle qui est la vampire, là. Ouais, elle contrôle, mais en même temps, elle fait juste lui obéir. C'est comme. Tu sais, il fait juste ses pas de tes affaires. Puis elle l'ostine pas, elle donne pas de raison, Mais rien. C'est comme elle si fait c'était une ses choses. mauvaise personne, si elle était méchante, elle serait différente avec lui, là. Je pense qu'elle voit juste du bon en lui ou je sais pas, là. Je sais pas. Je sais pas. Ça me laissait perplexe avec. J'étais comme, il me semble que c'est pas clair qu'est-ce que la réalisatrice essayait de dire dans son film. Je sais pas. En tout cas, c'est juste ça que je voulais dire. Mais je vous aime pareil, les amis. Oh, j'espère bien. T'as un petit moment bonus pour l'épisode? Petite opinion de plus? Take me down that line. Gonna throw that heavy load. I can't seem to make it. Make it all. Stop with my head hanging down, wondering how in the hell I got myself into this mess, and more importantly, how I was going to get myself out of it. So I wrote a song for you, baby girl, and I hope when I return home, the locks ain't changed on the doors. And there's still a spot for me on that big old California king-size bed. Yeah, to far, far. I'm not a million miles away. Hey, à la fin des épisodes, on dit tout le temps « garder ça horreur ». Comment est-ce qu'on fait pour garder ça horreur? Pour garder ça horreur, JF, il y a plusieurs moyens. Premièrement, sur iTunes, on peut donner 5 étoiles au podcast, en plus d'écrire un commentaire, comme ça, ça nous fait monter dans les recommandations. Ensuite, à la fin des billets sur notre site, on peut trouver un lien Amazon qui nous amène sur le site Amazon. Dès qu'on fait un achat, Horror Gamer reçoit une ristourne. Puis en plus, hey, c'est simple, tu peux juste en parler à tes amis puis dire à quel point Horror Gamer, c'est un podcast tellement cool. C'est quoi l'adresse du site? www.horrorgamer.ca. Fait que tout le monde, gardez ça horreur. Alors, j'ai pour mission de résumer le second film qui est Thirst. Thirst 2 points, ceci est mon sang. En français, c'est un film coréen, si je me trompe pas, Steven? Yes! C'est un film coréen de vampires, encore une fois, parce que le terme, c'est cinéma de vampires étrangers. Et là, on a affaire à un prêtre catholique qui décide d'aller aider une forme de lépreux, en fait. C'est une forme de nouvelle maladie en Afrique qui touche pratiquement que les Caucasiens et les Asiatiques. Et il contracte la maladie, il meurt, mais il revient à la vie. Et en revenant à la vie, il découvre qu'il a une soif pour du sang. Il retourne chez lui avec cette nouvelle... Mais on peut pas dire vitalité parce qu'au départ, il est tout recouvert de bandages. Il est juste comme de nouveau en vie. Et il retourne chez lui avec le fait qu'il est de nouveau en vie, mais un peu perplexe et qu'il comprend pas sa situation. Mais il revient comme un miraculé. Ouais. Exactement. Et une femme vient le voir en disant « Tu es l'un des miraculés. Tu as survécu au travers des 5-5 qui sont morts. Mon fils a le cancer. Viens prier pour lui. Si tu le sauves, ben c'est ça. Elle veut qu'il le sauve. » Et il y a plusieurs personnes qui faisaient la même demande quand il est sorti justement de l'hôpital après être revenu à la vie. Beaucoup de gens lui faisaient la demande de « Sauve-moi, j'ai perdu un bras. Sauve-moi, mon fils a le cancer, mon enfant a la leucémie. » Bref, et à cette demande-ci, je ne sais pas pourquoi à cette demande-ci plus qu'une autre, il y va. Il va à l'hôpital et le fils le reconnaît. Il dit « Hey, t'étais souvent chez nous quand on était jeunes. Continue à venir chez nous. » Et là, il vient pour un repas et c'est là qu'il rencontre une jeune fille qui va tomber en amour avec elle. Donc, fait que c'est son histoire à lui, son histoire d'amour une seconde fois d'un prêtre devenu vampire par maladie. Un résumé quasiment aussi long que celui-là, Steven. Ouais, je sais, moi, j'étais comme ça, j'étais en train de... Mais en même temps, je voulais tout dire ces infos-là parce que c'est important. Quelque chose de comme anodin, en plus. On va suivre l'histoire d'amour d'un prêtre avec une jeune fille. Quelque chose qu'on voit très souvent. Qui devient vampire. Mais il dit lui-même, s'il n'était pas devenu vampire, il ne serait pas tombé en amour avec elle. Il l'a dit. Tu ne l'as pas spécifié, mais la raison pour laquelle il devient vampire aussi, c'est à cause qu'il y a eu une transfusion de sang. On ne sait pas de qui ou de quoi. C'est ça qui a fait en sorte qu'il a été transformé. Puis la maladie, je pense qu'il ne l'a pas mentionné, mais c'est juste les hommes. Qui l'ont. Ah non, j'avais même, me souvenais même pas de ce fait. Dit, c'est comme la maladie des veuves, parce que... Ouais. Ah, je me souvenais pas de ce fait-là, je l'ai écouté cet après-midi en plus le film, fait que ça m'a puis pas... Puis le fait qu'elle devient infectée par ça plus tard, spoilers. C'est important quand même qu'on en parle. C'est un gros point parce que c'est comme... C'est la première femme qui a cette maladie-là. Ouais. Ouais. T'as bien parti, JF, pourquoi tu ne vas pas? Ben oui, vas-y, mon JF. Ok, ben, je vais vous décevoir parce que moi, j'ai détesté ça. Je le savais, est-ce que je le savais? J'ai détesté. Puis honnêtement, c'est rare que je fasse ça pour un épisode. Ben, tu sais, je me force, mais je ne l'ai même pas terminé, le film. Il me reste une demi-heure à voir, puis ça ne me tente pas de la voir. Oh my God! Ben voyons donc! Je suis pas capable. J'avais l'impression tout le long du film d'être en punition. Là. Après 15 minutes, j'en pouvais plus. Puis j'étais comme, je regardais l'heure, puis j'étais comme, ça finit-tu? Puis ça faisait 15 minutes qu'il était commencé. Mais c'était pas en punition, genre Mystery Science Theater, où on a deux scientifiques qui m'obligent à regarder un film, puis moi j'ai du fun avec mes amis robots. C'est plus punition, je suis dans une prison turque, puis on m'oblige à regarder un film de poche, puis j'étais entouré de gars, en tout cas. Ben bizarre, voyons mais, donc! Anyway, j'ai perdu mon écouteur, ça prend 2 secondes. J'ai vraiment pas aimé, j'ai pas embarqué pas en tout, je trouvais ça long, je trouvais que c'était des bondieuseries, puis des trucs de... Tu sais, c'est pas... Ça me faisait rien, le film, tu sais, c'était... Je trouvais que le vampire était branleux, c'était comme « Mais je veux pas tuer personne, je suis un bon vampire, gna gna gna gna gna gna. » Puis c'était comme « Ah, oh, si t'es un monstre, là, assume-le, puis arrête de faire ton con. Puis j'écoutais avec des écouteurs, puis ça m'énervait chaque fois qu'il suçait du sang à quelqu'un, puis ça entendait. J'étais comme, calisse que ça m'énerve. Puis tout. Toi, c'était la flûte. Quand il joue à la flûte, je suis comme, si, y'a-tu un bruit plus agressant qu'une calisse de flûte à bec? Au moins, il sait en jouer, c'est pas super. Je sais pas comment en parler. Ben oui, t'sais, la relation entre lui puis la fille, j'ai trouvé ça relativement intéressant, mais encore là, je regardais souvent ma montre, ou je regardais pas ma montre, j'ai même pas de montre, je regardais mon téléphone, puis j'avais hâte que ça finisse, j'avais hâte que ça avance, puis après 2 heures ou 1h45, j'étais tanné, là, j'ai fait « ok, je veux même pas voir la fin ». J'avais aucun intérêt, je suivais plus l'histoire anyway. Ça m'étonne parce que le film prend une tournure complètement différente après 1 heure, puis ça devient complètement un autre film, fait que ça m'étonne que... Ouais. Ouais, t'as accroché vraiment à aucune des parties. Non, quand ils se mettent à voler dans les airs puis tout, tu fais non, gros, c'est un film de super-héros, là, c'est un film d'origine, puis elle veut se faire transformer, puis c'est comme. C'est comme ça par rapport. Là. Fait que non, j'ai pas embarqué. Continuez, puis peut-être que je rajouterai des affaires, mais. Ok. C'est quoi, là, c'est une vengeance, là, parce que j'ai pas aimé l'autre film? Je t'emmerde, Jeff! Non, c'est pas vrai. Non, okay. J'ai eu l'impression de perdre mon après-midi. Je l'ai regardé cet après-midi aussi, puis j'étais, à la fin, j'étais déçu. J'étais comme, ah, j'aurais tellement pu faire autre chose à la place, là. Désolé. Vas-y, Steven, défends-le. Ben, j'aime pas ce film-là. Comment tu veux que je le défende, Vicky? Non, c'est pas vrai. En fait, je comprends pas JF. Là, il est dur à suivre niveau goût. Des fois, je comprends pas. Il y a des choses que je me dis qu'il va aimer ou des points, puis c'est tout le contraire. Je suis comme... Ah, JF, t'es comme un grand livre ouvert. Jamais un grand livre fermé. Non, ouais. Non, t'es pas assez ouvert. Ouvre-toi plus. Non, les métaphores selon Steven. Ouais, je devrais les écrire avant les épisodes. Ben moi, je suis déjà un gros fan de ce réalisateur-là. Je trouve que c'est un des meilleurs réalisateurs coréens de la dernière génération, si on veut. Je suis un gros fan de sa trilogie de Vengeance qui aborde le même thème. C'est drôle, il y en a qui disaient que Thirst, ça revient du pareil au même que sa trilogie. Ce gars-là utilise tout le temps le thème de la vengeance qui revient tout le temps dans chacun de ses films. Puis sa trilogie, les 3 films sont pareils. C'est tout le même thème. Je suis comme, fuck, vous avez rien compris. Parce que même dans sa trilogie, c'est la vengeance. Puis, hey, ça parle juste de vengeance. De vengeance. C'est parce que, oui, le sujet principal traite de la vengeance, mais les 3 films sont complètement différents. Ils ont rien d'identique. Puis, tu sais, Thirst, même s'il y a La vengeance fait pareil, un peu partie du film. C'est loin d'être juste ça le principal. Puis c'est comme généralisé parce que vous n'aimez pas juste le réalisateur. C'est comme. En tout cas. Mais Thirst, moi, j'adore. Je trouve que c'est un film. Autant je disais que l'autre film était vide, puis que c'était sa mise en scène, puis le visuel. Bien, autant Thirst, c'est sa mise en scène, c'est visuellement incroyable, mais c'est aussi riche dans le fond parce que le film aborde tellement de thèmes. C'est marrant, on dirait que les derniers épisodes qu'on a fait dernièrement, ça touche la religion. C'est comme on est pogné sur le thème de la religion, je sais pas pourquoi. Voilà, en horreur, je pense que c'est comme quasiment... je sais pas, mais il semble qu'en horreur, ça vient avec. Là, la religion, c'est intrinsèque dans pratiquement tous les films d'horreur. Là. Ouais, mais on dirait que c'est comme le thème principal de chacun de nos épisodes. Il y a tout le temps un film où la religion a une importance, en tout cas, cruciale. Là, je trouvais ça juste drôle. Mais... Moi, premièrement, le personnage du prêtre, je le trouve super intéressant parce que cet acteur-là, il est vraiment bon. C'est lui qui jouait le blondinet un peu stupide dans le film de Mons, The Host, qui est un film qui traite de la... T'as jamais vu ça, Vicky, The Host? Je penserais pas. Non? Ok. Je penserais pas. En tout cas, il était vraiment bon là-dedans. Je trouve que c'est un excellent acteur coréen qui arrête pas d'être polyvalent dans ses rôles. Il joue tout le temps des rôles complètement différents. Puis là, je trouve son personnage de prêtre vraiment intéressant parce que là-dedans, c'est comme... Il est prêtre depuis des années, il a grandi là-dedans, il n'a jamais connu de relation, d'amour, rien de tout ça. Mais à un moment donné, on dirait que ce personnage-là remet en question sa foi, il n'est pas bien là-dedans. Et lorsqu'il vient le temps où il va se porter volontaire pour les expérimentations sur l'espèce de remède qui pourrait battre le virus, mais qu'il y a eu juste des morts, là, t'sais, c'est comme il y a eu 500 personnes qui l'ont fait et qui sont mortes, mais lui, il veut pareil le faire. J'étais en train de me demander, tu sais, est-ce que c'est vraiment par bonne volonté qui se présente là pour essayer de trouver un moyen d'aider plus de gens ou c'est un acte de suicide volontaire mais qui essaie de le faire d'une façon moins coupable parce que le suicide, c'est la pire chose, tu vas en enfer. Mm-hmm. C'est le martyr, il mentionne à un moment donné en confessant avec une jeune fille. Enfin, je trouve le fait que son personnage soit tout le temps contrebalancé dans sa foi et qu'il va devenir un vampire est vraiment intéressant parce que en devenant vampire, c'est comme ça lui donne la liberté d'abandonner sa foi puis d'aller dans des directions vers le péché qu'il n'ose pas, justement. À chaque fois qu'il y a un péché qui refait surface, il est tout en train de se taper avec une règle pour essayer de se punir puis de pas aller vers ça. Mais finalement, il va se laisser de plus en plus aller, mais en essayant de garder un semblant d'humanité. Tu sais, lui, il ne veut pas tuer de victimes, il ne veut pas tuer d'êtres humains. Il va juste prendre le sang d'un de ses patients qui venait voir, qui est dans le coma, puis qui va aller à côté de lui, puis sucer son sang à travers une genre de poil, truc. Je trouve ça vraiment... C'est sordide, mais en même temps, il y a comme... Mais c'est humoristique, là. Il est accouché à terre avec la poil. C'est ça. Tous les thèmes du film, c'est vraiment sordide, mais c'est abordé avec un humour noir qui est souvent présent, puis qui vient égaliser un peu le tout. Puis moi, je trouve que ça fonctionne bien. C'est drôle et malaisant en même temps. Jeff, t'as pas ri quand sa tête est prise dans le windshield du char? Ah, l'acte de suicide, c'est tellement drôle. Non, pas vraiment, je m'en foutais un peu. Ah, oh, j'ai tellement ri! C'est tellement drôle, il essaie de se suicider, puis là, il y a la face qui revole dans le windshield, puis là, la tête est prise. Ouais, je me rappelle. Mais lui, il est encore en vie. Ouais, je sais, mais on en parle pour les auditeurs, oui. Jeff. On a du monde qui nous écoute. Puis là, la tête est prise, puis là, il essaie de sortir, fait que là, il y a juste son corps qui bascule du haut vers le bas, puis il est comme « Chris, ma tête est encore prise! » Parce que dès qu'il se rend compte... Je suis mort, puis j'ai la tête prise! Dès qu'il se rend compte qu'il est devenu une espèce de créature de 7 ans, la première chose qu'il fait, c'est qu'il se garoche tout de suite sans hésiter à travers la fenêtre, puis il tombe en bas de plusieurs étages, puis... Cette scène-là est vraiment drôle. Mais j'aime aussi le côté symbolique, comme... qu'est-ce que ça veut dire, Vicky? Vas-y. Ah, j'ai dit le pare-brise, parce que je me dis que le windshield, c'est peut-être pas tout le monde. Ouais. Le pare-brise. Puis je trouve ça super intéressant aussi, le fait que quand il revient à la vie, mais qu'il soit perçu un peu comme le genre de Jésus, tu sais, le miraculeux, puis ça apporte vraiment des thèmes intéressants, surtout que, tu sais, s'il est revenu à la vie, c'est plus grâce à 7 ans, puis ces choses-là, mais le monde va venir glorifier ça sans trop le savoir, fait que ça vient jouer avec des sujets un peu tabous que je trouve vraiment intéressants. Dans sa première heure, la première demi-heure, le film va vraiment focaliser sur le prêtre. Puis ensuite, on va focaliser sur sa future relation avec la fille qu'il va rencontrer. Puis on va apprendre à connaître ce personnage-là. Puis je suis étonné que Jeff n'ait pas embarqué dans ça parce que je trouve ce personnage-là féminin vraiment intéressant. J'aime son milieu familial qu'elle vit. C'est une fille qui est enfermée depuis qu'elle est jeune. Elle a comme été adoptée. Je ne me rappelle plus trop de la raison. Mais il me semble qu'elle a juste été adoptée dans cette famille-là. Ben, genre, son père, il est venu la porter en disant « Tu peux-tu la garder 2 minutes? Je vais aller faire une commission. » Puis ils sont jamais venus la rechercher. C'est ça. Puis, tu sais, là-dedans, elle est traitée un peu comme un genre de chien. Puis elle n'a pas vraiment le droit à son opinion. Puis elle est obligée d'être la femme du fils de l'autre, qui est comme une espèce d'enfant dans un corps d'adulte. Il est vraiment moron. Puis il est détestable et inoffensif en même temps. C'est pour ça qu'à toutes les fois où il fait quelque chose de complètement disgracieux envers elle, elle vient pour le frapper, mais elle a de la misère à agir parce qu'il a juste l'air d'un enfant puis il a même pas l'air conscient quasiment de qu'est-ce qu'il fait. Puis j'aime ce personnage-là, comment son côté de liberté est montré, puisqu'elle est vraiment prisonnière là-dedans. Puis le seul moyen qu'elle trouve pour avoir un temps soit peu de liberté, c'est que juste la nuit, elle sort, puis elle s'amuse à courir nu-pied, puis à juste comme laisser sortir tout ce qu'elle a. Puis le prêtre, lui, quand il va arriver là, ça va être plus être un peu sa porte de sortie dans tout ça. Puis j'aime beaucoup la première vraie rencontre qu'il va avoir, pas celle-là à l'hôpital, mais dans la rue lorsqu'elle court. Il va partir à courir après elle, puis tu doutes peut-être qu'il va l'attaquer ou quoi que ce soit, mais il va juste la soulever dans les airs. Tu as un plan de la caméra en dessous qui va juste mettre ses souliers, puis il va la redéposer sur ses souliers. Je trouve que c'est une très belle scène. J'aime beaucoup ça. Et justement, parlant de scène, la réalisation justement qui vient amplifier tout ça de Park Chan-wook, honnêtement, elle est irréprochable. Ce gars-là, c'est un virtuose de la caméra. T'as une scène de jeu de mahjong dans la famille où tu vas apprendre à connaître tous les personnages de cette famille-là, puis le prêtre va venir jouer avec eux. C'est pas vraiment jouer au mahjong. Puis la caméra, elle se promène sur un genre de traveling, puis elle est super fluide, puis elle fait juste se promener d'un personnage à l'autre durant la discussion, puis c'est super beau, c'est super immersif, puis je trouve que ça vient comme rendre le tout encore plus intéressant. Puis moi, j'aime beaucoup l'histoire d'amour également entre ces deux-là. C'est comme deux personnes qui n'ont pas connu vraiment ça. Tu sais, le prêtre n'a jamais vraiment eu le droit à l'amour, de laisser aller ses pulsions. Elle, un peu la même chose, elle a tout le temps été prisonnière là-dedans, coincée. Elle n'a vraiment jamais eu une source de liberté. Fait que ces deux-là vont comme se laisser aller, puis va avoir un aura d'érotisme. Ce film-là a vraiment une atmosphère d'érotisme intense. Là, les scènes de sexe sont... Moi, j'ai trouvé super réaliste, puis il dégage un aura incroyable. Là. La scène dans l'hôpital où ils vont vraiment pour la première fois faire l'amour est vraiment full intense. Puis, comme dit un peu Jeff, les sons sont vraiment amplifiés. Là. Puis, on entend la salive, les bisous, puis toutes ces choses-là. Et moi, toute cette première heure-là, je l'ai vraiment beaucoup adoré. C'est vraiment juste qu'on va suivre ces personnages-là, on va voir leur relation se former. J'adore les scènes de nuit avec elle, puis le prêtre quand il va commencer à se dévoiler puis à lui montrer que c'est un vampire. Il va y avoir une scène où il va sauter de toi en toi avec elle dans ses bras. T'as juste le plan de la caméra qui reste sur le visage de la fille, des belles idées de réalisation où il va sauter de toi en toi, puis tu vois juste son expression de liberté durant ces moments-là. Je trouve qu'il y a vraiment une poésie qui se dégage constamment de ce film-là, même dans les moments plus sombres et morbides. Et la deuxième moitié va finir par changer les choses. On va se retrouver devant un film beaucoup plus horreur, parce qu'il y en a beaucoup qui vont trouver que la première heure est lente. C'est beaucoup plus une histoire d'amour, mais la partie horrifique va vraiment entraîner dans la deuxième. Je sais pas qu'est-ce qui est spoiler, qu'est-ce qu'on peut dire ou pas. J'ose pas dire grand-chose, en fait. Mais je pense pas que ce soit vraiment spoiler. On sait que le prêtre va finir par la transformer, veut pas, rendu à la moitié du film. Et c'est là qu'on va se rendre compte de la vraie personnalité de la fille. Elle va se laisser aller. Merci, Vicky. Oui, j'ai juste fait la première moitié. J'ai écrit en privé à Jeff. Parce que t'arrêtes pas de dire, puis là, t'as fait bon, ça, la première moitié. J'ai fait, ah, OK, il avait juste fait la première moitié. Non, mais je vais me couper ton élan. Non, mais je vais pas m'éterniser trop sur la deuxième moitié. Parce que le premier segment est trop court à son goût. Fait que là, il veut étirer l'épisode un peu. Fait qu'on a juste la première moitié. C'est surtout que dans la deuxième, je me dis qu'il y a moins de choses que je peux dire parce qu'il arrive beaucoup d'éléments, comme l'élément vengeance d'une personne qui va se retrouver handicapée. Je veux pas le mentionner, mais je trouve que c'est un élément fort du film. Puis il va avoir une espèce... mais je vais en parler, moi. Ah, OK, parfait. Je suis obligée par rapport à ce que je vais dire de toute façon. OK. Mais moi, la deuxième partie du film horrifique en a fait décrocher plusieurs. Il y en a qui trouvent que le réalisateur sait pas trop dans quelle direction aller. Puis que le comportement de la jeune fille change quand même beaucoup. Puis moi, je trouve en tant que tel, c'est genre deux personnages qui vont goûter à quelque chose qu'ils n'ont jamais goûté, puis que finalement, ça va aller dans les deux sens. Ça va être quelque chose de merveilleux, puis ça va ensuite s'en aller vers quelque chose de complètement abusif. Ça va aller dans tous les mauvais sens du terme. Et j'ai trouvé vraiment la deuxième partie horrifique super réussie. Tu as des scènes de violence et de gore vraiment intense. Le film lésine pas sur le gore. Il y a des moments où ça gicle vraiment, vraiment beaucoup. Et je regarde Vicky pas me ferrer. Vas-y, je dis rien, moi. C'est correct. De toute façon, t'as pas dit mes mots-clés encore, fait qu'on est correct. Tes mots-clés, ben c'est ça, j'essaie de les éviter, tes mots-clés. Mais en tant que tel, ce film-là, c'est juste un gros chant d'amour funèbre et sensuel qui est arrosé de sang. Puis ça aborde juste plusieurs thèmes intéressants, le péché, la rédemption, l'amour dévorant, le crime passionnel, la maltraitance, le mensonge, la vengeance. C'est vraiment un gros assemblage de thèmes qui va vraiment être bien dosé, je dirais, mais même s'il y a des points que je trouve qui ont été un peu brouillons dans la deuxième partie du film, je vais laisser Vicky en parler. Je sais pas voir qu'est-ce qu'il va en avoir pensé. Mais moi, je trouve que c'est vraiment un film fort. Ça m'étonne que Jeff ait autant détesté. Mais je trouve que c'est une histoire de... Oui, vas-y. Peut-être que j'ai senti... Tu parles de son côté gore et tout ça, puis le seul autre film... Sur le film du réalisateur que j'ai vu, je pense que c'est Old Boy. Non, c'est pas vrai, j'ai vu Stalker aussi. Mais Old Boy, j'avais détesté ça à l'époque parce que j'avais pas eu le film que la bande-annonce m'avait vendu en premier. Puis deuxièmement, j'avais la grosse finale avec le gars qui se fendait les joues, je sais pas trop quoi, avec sa lame de rasoir, puis ça m'écœurait. C'est le genre de truc que je déteste dans un film, comme les films... le seul film de Mickey que j'ai vu dans ma vie, c'est son épisode de Master of Horrors, que c'est super... t'as des trucs, t'as des aiguilles, je sais pas trop, qui rentrent dans le corps humain, je sais pas trop quoi. Je trouve ça dégueulasse, mais moi, ce genre de violence-là, ça me fait détourner les yeux. Juste la passe d'Hunters, tout ce que la fille a fait semblant de stabber son mari avec des ciseaux, je regardais pas la caméra, je regardais pas la TV, je regardais ailleurs. Je déteste ça, puis je pense que j'ai senti que vers la fin, ça t'en allait peut-être vers ça, fait que je voulais éviter. Mais de toute façon, c'était pas ça, là, c'est parce que j'aimais vraiment pas le film, mais ce genre de choses-là, je suis une grosse chochotte, là, j'aime pas ce genre d'affaires-là, fait que okay. Je veux pas voir ça. C'est pas mon genre de film. C'est pas ça que je veux voir. T'avais pas ce genre de violence-là dans A Girl Walks Home Alone at Night, là, t'sais. Non, vraiment pas. Non, c'est pas la même chose non plus, c'est clair. Mais je crois juste que Thurs propose... traite le vampirisme puis l'histoire d'amour de manière différente que j'ai pas forcément vu ailleurs. Je trouve que le film a quand même quelque chose de vraiment unique. Et je peux comprendre la violence. La violence, je pense pas qu'elle soit forcément gratuite. Je pense pas que le réalisateur s'amuse à juste vouloir choquer à tout prix. Elle a juste une grosse importance, elle est assez présente. Fait que c'est sûr que si les personnes qui ont une âme plutôt sensible à quelques gouttes de sang, ben vous allez rusher avec Thirst, là, parce que surtout la deuxième moitié contient des moments assez intenses. Là. Moi, c'est pas le sens, les affaires coupantes. Ou les aiguilles ou des trucs comme ça dans les films que j'aime pas. Honnêtement, ce film-là me fait voir les petits ciseaux pour couper les aiguilles d'une manière complètement différente à présent. Je pourrais plus jamais voir ça de la même façon. Mais non, c'est ça. Vas-y, Vicky, je vais te laisser aller. Là. OK, c'est bien correct, mon Steven. Prends le temps que tu veux, parce qu'il y a deux enfants, puis ça m'aurait surpris que tu utilises les mêmes mots, surtout sur le premier. Thirst, ça s'appelle Thirst, deux petits points, ceci est mon sang. Moi, j'ai envie de le changer. J'appelle ça Thirst, le bruit des fluides. Parce ouais. que, vous avez dit un peu, mais c'est que c'est à tout moment, le film a une ambiance sonore franchement dégoûtante. Moi, tu sais, toi, Jeff, c'est des coupures dans les films. Moi, c'est des crachats. Oui. C'est la salive. Puis, on pense que c'est juste quand ils sucent le sang qu'on entend. Non, quand ils s'embrassent. Quand ils s'embrassent, là, ils s'aspirent les deux. C'est moi, honnêtement, franchement là, dégoûtant. Steven a parlé, mais moi, la scène d'hôpital, puis toutes les scènes érotiques, entre autres, c'est les scènes les moins sexy que je pense que j'ai vues au cinéma. Là, j'étais pas arousé pantoute. Là, j'ai regardé mon téléphone puis j'ai regardé ailleurs pendant que ça se passait. J'étais comme, ça va-tu finir un jour? C'est malaisant. Moi, j'ai aimé ça parce que justement, je trouvais ça drôle de malaise. Oui. Mais c'est malaisant. Là. Il y a un bout, là, il se liche les pieds, mais comme il y a pas de bout de langue entre un orteil et un ongle qui a pas été passé. Là. C'est dégueulasse, là. Tu dis, elle peut pas mettre des gougounes après parce qu'elle flotte dans les pieds, là. C'est dégueulasse, là. Puis là, il y a un autre moment, genre, il met la main dans les culottes, puis il fait comme, ben voyons donc comment ça, t'es mouillé de même. Puis là, il fait, y a-tu un trou sur ton lit d'eau? Tu sais, je suis comme, arc. Puis ce film-là, ça a plein de moments quand il s'embrasse, quand que. Parce que là, c'est ça qui est le fun aussi. C'est qu'il vire pas vampire. C'est une maladie qui lui donne les symptômes d'être un vampire. Fait qu'il y a pas des crocs qui lui poussent. Fait que quand on voit les deux petits trous, il y a les deux petits trous iconiques dans le cou, mais c'est les ciseaux qui le font, deux petits trous iconiques. Après ça, eux, ils têtent le sang. Fait que tu vois souvent des morsures, mais des morsures humaines avec toutes les dents. Moi, ça, j'ai trouvé que c'est un détail vraiment intéressant. C'est qu'on... Puis ce film-là, c'est que c'est de même tout le temps. C'est qu'on respecte les détails. Fait que oui, c'est le bruit des fluides, mais en même temps, c'est sûrement le bruit des fluides constant, mais qu'on remarque pas parce qu'on n'a pas de caméra. Puis on n'a pas de son de micro qui vient amplifier ces sons-là. Mais à tout moment, il y a des sons comme ça. C'est dégueulasse, mais c'est vrai dans un sens. Je veux dire, quelques deux personnes qui s'embrassent, ça fait du bruit. Mais là, eux, ils l'ont comme mis exponentiel. Quand ils se lichent les pieds, c'est exponentiel. Quand elle marche avec ses talons hauts, c'est exponentiel le bruit. Tout est vraiment le bruit mis au plus fort. Mais c'est ça, tu sais, au début, il fait de la flûte à bec, puis il se met à vomir dans sa flûte à bec, puis on dirait que t'entends, il vomit du sang, puis on dirait que t'entends dans chaque trou un son différent de vomi. C'est vraiment minutieux dans ce genre de détails-là. Moi, ça m'a vraiment surprise, en même temps, ça m'a écœurée. Je trouve que c'est vraiment dégueulasse, mais j'aime ce souci du détail. Le film Thirst, c'est ma troisième écoute. Puis les deux autres écoutes d'avant, je m'en souvenais pas. Puis je me souviens qu'à la première écoute, j'avais trouvé ça correct, mais je savais pas à quoi m'attendre. C'était pour mon émission de radio, j'écoutais des films de vampires, tout simplement. Fait que lui, il avait sorti d'un liste, fait que je l'avais écouté, fait que je m'attendais à un film de vampires. Fait que là, j'ai été trop surprise, je pense, la première fois, je savais pas à quoi m'attendre. Puis j'avais vu Old Boy, fait que là, je m'attendais pas à ça. J'ai vraiment pas su comment me fixer par rapport à ce film-là, fait que je me souviens que j'en avais pas parlé durant cette émission-là. Et je vais y revenir plus tard, mais la deuxième fois que j'ai vu le film, que je me souvenais pas encore plus de la première écoute, c'était une émission sur les adaptations littéraires, parce que ce film-là, c'est adapté d'un livre. Je vous en reparlerai plus tard. Mais encore une fois, je me souvenais pas encore de rien. Je me souvenais que la fille devenait folle puis qu'elle sautait sur un dessus de char. Puis je me souvenais qu'il y avait des scènes dans la cuisine très malaisantes. C'est pas mal tout de ce dont je me souvenais. Fait que l'écouter encore aujourd'hui, j'ai été agréablement surprise à plein de moments. Je me souvenais qu'une de mes deux écoutes, probablement la première, j'avais trouvé ça un peu long. J'avais trouvé qu'il y avait des scènes de trop. Là, vu que je m'en attendais, ça m'a moins surprise. Ça m'a moins... c'est moins venu me chercher parce qu'on s'entend que toutes les scènes avec son père, qui est pas vraiment son père de sang, mais plutôt son père adopté dans la religion, mais j'ai trouvé assez inutile ce personnage-là. Fait que c'est vrai que ça peut être long, puis je comprends JF d'avoir fait comme ça m'a pas intéressé, mais moi, je trouvais qu'à cette troisième écoute-là, peut-être que je voulais plus être plus attentive ou je sais pas, mais j'ai vraiment accroché, j'ai adoré tous les personnages. La fille, le personnage féminin principal est carrément folle. Elle est menteuse, elle est folle, elle est psychotique, elle Manipulatrice. est manipulatrice, elle est sociopathe, elle est désespérée. Fait que quand il décide de la transformer en vampire, tu t'en attends, mais tu te dis c'est la pire décision et le pire choix ever. Elle est pas comme toi. Le prêtre est pacifique, il veut pas faire de mal à personne. Et en plus, le prêtre, il boit le sang d'un patient. À même le tuyau, c'est vraiment dégueulasse. Il est comme couché en dessous de son lit, mais pas genre vampire épeurant, là. Juste comme dans une position qui fait comme Christ, qu'on n'est pas bien quand on suce du sang. Puis le personnage auquel il suce le sang, on le met en contexte comme quoi c'est une bonne personne qui donne tout de son vivant. Fait que quand il est dans le coma, il se permet de lui sucer le sang parce qu'il se dit, ben s'il était vivant, il ferait pareil parce qu'il donne tout de son vivant. Fait que j'ai trouvé que, tu sais. Ce personnage-là, super posé, super réfléchi, en proie à des conflits personnels, tombe en amour avec cette fille-là. OK, fine, ça se peut, c'est pas mal la seule aussi qui fréquente, là, il y en a comme pas vu d'autres. Mais la rendre vampire, j'étais comme, mais voyons, tu vois qu'elle est psychotique, tu vois qu'elle t'a menti, tu vois qu'elle est prête à tout, à pardonner à ses fins, qu'elle revire de bord, qu'elle est carrément folle, la scène d'avant est à quatre pattes dans le salon à broyer sa vie. Puis tu décides de la transformer en vampire, tu penses que ça va donner quoi? C'est sûr que ça va mal finir. Puis, tu sais, elle t'a déjà manipulé pour tuer quelqu'un. Fait que c'est sûr que quand elle va avoir le pouvoir de tuer, elle va le prendre. Et je comprends même pas qu'elle ait pensé le faire, mais il dit moi, mais Jeff, tu le sais pas, fait que je te l'apprends. Oui, c'est Il correct. dit vraiment à la fin, ben moi, je veux mourir avec toi. Puis elle dit, OK, ben quand on va mourir, on va mourir. Là, on est comme semi-mort. Ben là, on va mourir, puis on va mourir. Tu sais, puis lui, c'est ça. Fait que là, j'étais comme, ben tu l'aimes à la folie, je comprends. Tu veux mourir avec elle, OK. Mais tu trouves pas que c'est pas une bonne idée? Tu trouves pas que... Mais Oui, vas-y. sur le coup, il avait pas l'air de forcément vouloir la transformer quand un coup qu'il la tue. Non, c'est ça. Il me semble qu'il y a un élément, je ne me rappelle plus exactement quoi, mais il y a un élément qui fait en sorte que finalement il va changer d'idée puis il va la transformer. Mais. Ben, Non, vas-y, c'est ça. moi je l'ai pas, moi j'ai vraiment senti comme c'est un regret. Il peut pas se passer d'elle. Puis il lui dit quand il décide qu'ils vont mourir, il lui dit je peux pas me passer de toi. Je peux pas te tuer et continuer. Faut qu'on meure les deux parce que toi tu peux pas rester en vie parce que t'es un danger, tu tues. Fait que toi tu dois mourir, mais moi je peux pas vivre sans toi. Puis j'étais comme mais un, qu'est-ce qu'elle t'a fait là? C'est qu'une fille, je veux dire, sors de ta ville, sors de ton village, tu vas en voir d'autres. Puis deux, j'ai vraiment de la misère à, tu sais, il peut être en amour de ça me dérange pas, mais j'ai de la misère à concevoir qu'il pense la transformer, que ça n'aura pas d'impact. Mais c'est ça, il a pas pensé, il est allé impulsivement, il fait fuck, je peux pas vivre sans elle. Je sais pas pourquoi, mais fuck, je peux pas vivre sans elle. Mais tu sais, t'as le pouvoir d'être un vampire. Vis, tu sais, sors Ouais. de chez vous, vis. En même temps, c'est comme son premier amour. Fait que je pense que, Ouais. tu sais, le premier amour, on agit de manière tellement stupide. Des fois, on se dit, ah, j'aurais tellement pas fait ça, je serais pas resté plus longtemps, mettons, avec cette fille-là. Fait que je pense que là, vu qu'il vit pour la première fois tout ça, ben, il vit en même temps les erreurs qu'on peut commettre Ouais. durant une première relation, là. Vraiment. Puis tu sais, le film, il suit un peu le mode Park Chan-wook, fait qu'il est comme très graphique, il est très dégueulasse. Habituellement, Park Chan-wook en met plus. Dans le sens que c'est aux 5 minutes. Fait que peut-être c'est ça qui m'a déstabilisée, parce que je m'attendais à en avoir plus. Mais à un moment donné, à la fin, j'en avais eu mon lot. Tu sais, je trouvais qu'à la fin, là, elle casse un bras, puis il y a son os qui sort du coude. Puis j'ai comme fait, ah, finalement, correct, je pense que j'en ai eu assez de gross pour le film. Il m'a servi tout le lot que c'était nécessaire. Puis il est dans les détails, hein. À un moment donné, le prêtre, il pète la face de sa blonde sur un mur de béton. Puis quand elle se relève, parce qu'elle est rendue vampire, fait qu'elle meurt pas, mais elle a tout le nez, la peau du nez, toute retroussée. ça, puis on voit son os, puis c'est hyper détail parce que elle va se réparer, fait qu'il aurait pu genre fuck off, j'ai pas le budget, donne-y deux minutes qu'elle se répare, puis retire-la du mur. Non, il retire tout de suite, puis prennent le temps d'y faire le nez retroussé. Fait que je suis comme, OK, t'es vraiment dans les détails, ça, c'est génial. Il est tout le temps là-dedans, lui. C'est un réalisateur, c'est effrayant. Puis l'autre volet où que je voulais en parler, c'est l'adaptation littéraire, parce que ça va peut-être vous surprendre, mais est-ce que vous êtes au courant que ce film-là, c'est une adaptation littéraire? Non. Je le savais, mais je voulais pas le mentionner pour la simple raison que j'ai pas lu le livre, puis j'aurais pas pu faire de comparaison. Mais moi, c'est ça qui est très drôle, parce que quand j'ai lu la deuxième fois le film, c'est parce que c'est une adaptation littéraire, j'ai lu c'était le livre de quoi, j'ai fait « Mais voyons donc, ça se peut un pas ». Puis là, aujourd'hui, je m'en souvenais plus, puis c'est quand j'ai l'écouté, puis c'est à la scène de Barque, j'ai fait « Hey, c'est vrai, ce film-là, c'est une adaptation de Thérèse Raquin, un livre d'Émile Zola ». C'est vraiment fucké, tu te dis « Ah, un Coréen a adapté un livre du 19e siècle français ». J'ai quand même vraiment fucké quand tu y penses, là. J'ai pas lu Thérèse Raquin, mais... J'ai pas lu Thérèse Raquin, mais c'est le Zola, c'est un des auteurs préférés de ma blonde, fait que peut-être qu'elle aimerait le film plus que moi, là. Ouais, mais avant la scène de la barque, moi, je m'en souvenais pas. Mm-hmm. Dans la scène de la barque, j'ai fait « Hey, pourquoi ça me dit de quoi, ça? » Ah, c'est vrai, c'est parce que c'est l'adaptation de Thérèse Raquin. Thérèse Raquin, j'ai comme un amour-haine envers ce livre-là parce que j'avais une super belle édition. Puis dans le, puis je savais pas c'était quoi. Moi, j'aime Zola, Balzac, il m'en manque le troisième, Victor Hugo. Mm-hmm. J'adore leurs livres, là, pour vrai. Puis là, je décide de lire Thérèse Raquin, mais comme par hasard dans une bibliothèque. Puis au début, c'est comme, voici l'histoire qui a influencé Thérèse Raquin, puis un peu les faits. Fait que là, je dis, ah ben, je vais le lire, tu sais, savoir de quoi ça parle. Mais c'est comme, c'est pas une note, là, c'est quasiment genre un prologue. Mais finalement, c'est pas écrit par l'auteur, c'est écrit par la maison d'édition, puis ça dévoile toute l'histoire. C'est parce que l'histoire de Thérèse Raquin, c'est elle qui se pogne un amant, qui habite chez les parents de son mari, ben chez la mère de son mari, elle se pogne un amant, puis décide de le tuer dans une barque. Mais tu sais, ils l'ont tout dit genre avant le livre. Fait que là, c'est comme, ben oui, je sais, c'est peut-être que le livre a 200 ans, puis vous dites que les gens le sachent, mais au contraire, je trouve que de nos jours, on sait plus ces choses-là. Tu sais, si je te disais l'argent d'Émile Zola, non. Nala, non. Tu sais, je veux dire, il y a plein... Tu sais, je te disais, lis l'Assommoir, je te dirais pas c'est à propos de quoi, puis tu vas sûrement être surpris. Puis tu sais, ça, le résumé que tu donnes là, ça, c'est une adaptation, mais tu sais, c'est une adaptation très libre, le film, parce que le résumé que tu donnes là, ça pourrait être le résumé de bien des films des années 40 dans la catégorie film noir avec des femmes fatales qui séduisent des hommes pour tuer leur mari. C'est ça. Ça a été répété des tonnes et des tonnes de fois, là. Mais c'est toute la situation avec la mère puis le fantôme après qui est un peu... Ben, tu sais, on s'entend qu'il n'y a pas vraiment de fantôme dans Thérèse Raquin, là, mais il y a beaucoup de culpabilité puis de ressentiment. Mais je ne veux pas trop en dévoiler, justement, pour que les gens ne veulent pas avoir le même effet que moi. Mais moi, ça m'a donné envie de lire Thérèse Raquin parce que là, je sais un peu le début, mais je ne sais plus la fin. Parce que j'ai lu que la fin de Thérèse Raquin était différente. Les deux, c'est la même condition. Donc, dans le livre, autant que dans le film, la mère est convaincue que le prêtre ou l'amant, parce qu'il n'y a pas de prêtre, il n'y a pas de vampire dans Thérèse Raquin. Émile Zola n'a pas écrit sur des vampires. Et elle est convaincue qu'ils l'ont tué. Et elle tombe malade également dans les deux histoires. Et dans les deux histoires, elle tente de dire aux gens autour qu'ils ont été tués, mais elle n'a plus la motricité puis elle n'a plus la parole. Et là, il paraît qu'il y a deux fins différentes parce que dans Thérèse Raquin, on s'entend que c'est pas des vampires, fait qu'ils peuvent pas tuer tout le monde. Fait que la fin est différente en soi. Mais ça reste que toute cette espèce de remords puis ces choses-là sur la barque et tout, c'est... Mais moi, ça m'a vraiment surpris qu'un réalisateur coréen décide d'adapter, mais que c'est volontairement dit là, que lui a voulu adapter Thérèse Raquin, puis c'est comme, ben, sortez ça d'où? C'est un roman connu, je veux dire. C'est... Ouais, c'est cool. Ouais. C'est cool. Mais ouais, Thérèse Raquin version vampire. Maintenant, on est avec Pride and Prejudice version zombie. Oui. Fait que Lincoln est-tu des vampires? Mais... Lincoln est-tu des vampires? Fait que je vois pas pourquoi Thérèse Raquin ne pourrait pas tomber puis devenir un vampire également. Mais ouais, mais moi, ça m'a donné envie de relire. Puis tu sais, ça me fait juste rire. Ça me dit juste aussi que les vieux romans français peuvent être adaptés à l'ère moderne quand on veut leur donner un petit twist. Puis c'est le cas également ici. Puis pour en revenir justement au meurtre dans la barque. Est-ce que c'est un spoiler? Je penserais pas. Je pense, de toute façon, c'est dans le résumé. Je suis pas sûre. Sur IMDb, je suis pas certaine. Mais je veux juste ajouter que... Donc, on a le prêtre et qui tombe en amour avec une fille mariée, mais mariée, on s'entend, c'est même pas avec ou sans son consentement. Elle a été dompée dans cette famille-là, puis la mère l'a dit, naturellement, elle a passé de mon lit au lit de mon garçon. T'sais, elle avait rien à dire, elle avait pas de place où aller. Elle avait pas de famille, pas d'argent, pas de place où aller. Fait qu'elle a juste passé du lit de la mère au lit du fils de façon naturelle, mais elle est pas heureuse dans cette situation-là, t'sais. Fait que tu te dis, c'est sûr que si elle a les pouvoirs puis face à un vampire, elle va s'arranger pour tuer tout le monde. Fait que c'était assez évident pour moi. Je pense pas que c'est un spoiler de le dire que le garçon meurt, mais c'est qu'est-ce qui arrive après avec cette situation-là, moi, qui m'a réellement surprise puis qui est venu me faire peur, là, qui est venu vraiment rentrer dans la catégorie horreur. La fameuse scène de Mahjong quand la mère tente de prévenir les autres est tellement bonne. C'est, visuellement, la réalisation a créé un méchant suspense. Puis tout le long. Tu es rendu là, Jeff? Ça me dit rien. Ok, bon. Non, ben, parce que si je l'ai aimé, cette scène-là. Il y avait des bouts, t'as manqué peut-être plus apprécié, puisque dans le fond, t'as manqué toute la partie huis clos de l'appartement, puis toutes les choses différentes qui va agir. Mais en tout cas, cette scène-là, j'ai, niveau suspense, tout ça, je la trouve vraiment bonne. Ben, j'ai arrêté pas longtemps après qu'elle ait viré la fille en vampire. Là. Ok. Ok, c'est après d'abord la scène de Mahjong. Mais en tout cas, c'est vraiment intéressant, puis tout ce qui arrive après, moi, ça rentre vraiment dans ma catégorie horreur avec tout le ressentiment puis la manière qu'ils font sentir aussi ce ressentiment-là du couple qui l'a tué, puis qui a tué. Et bref, c'est ça. Moi, j'ai bien aimé Thirst. Je trouve qu'il y a plein de choses à découvrir dans ce film-là. Du début jusqu'à la fin. La fin. Des choses, jusqu'à la fin. Il y a des choses à découvrir. D'accord. Fait que, j'espère me souvenir plus de ma troisième écoute, par exemple. Nos recommandations? C'est toi qui a commencé? Oui, c'est moi qui a commencé. Je sais pas. Pognez-le sur YouTube si vous le pognez, s'il est là. Mais je sais pas. Non, je le recommande pas. Steven? Ben, vas-y. Moi, c'est un achat. Vicky? Moi, c'est un achat avec les autres films de Park Chan-wook où c'est également une projection comment qu'on fait un film de vampire autant aux États-Unis qu'en Corée, avec, mettons, Vampire de Carpenter ou quoi que ce soit. Là, des films de vampire vraiment plus sanglants, plus violents, plus d'action, puis je trouve que c'est un bon contrepoint parce que là, on est mêlé entre l'histoire d'amour, l'histoire de vampire, le sang, tu sais, il y a une scène hyper, hyper sanglante. La fille qui est à l'hôpital, tu sais, c'est un accident d'auto, la fille est sur le bord de mourir, elle demande à un prêtre de venir écouter sa dernière confession, puis tu vois juste la veine pompée, puis le sang pompé, giclé, c'est super dégueulasse, mais en même temps, c'est pas un moment sanglant à proprement parler, parce que c'est pas un moment de meurtre, c'est un accident d'auto banal. Fait que je trouve que pour montrer comment on peut faire une mise en scène de sanglant sans avoir l'action qui vient avec, je mettrais les deux films en contrepartie durant une soirée facilement. Good. Et je vais lire un commentaire qu'on a eu sur Facebook par rapport aux deux films. Jean-François Ouellet qui nous disait « A Girl Walks Home Alone at Night, c'est un méchant trip de réalisation fantastique. Excellent choix pour le noir et blanc, ça garde le côté froid du vampire. C'est un des bons coups de 2014 selon moi. Il a fait mon top 10. Thirst, j'ai le regret d'admettre que je me suis endormi au cours du visionnement. Jamais retenté l'expérience. Fait que je me sens pas tout seul. Non, c'est ça. Puis tu sais, c'est ça qui est drôle, c'est que a girl, on peut aussi s'endormir durant le visionnement, on s'entend. Oui. Tu sais, fait que les deux, c'est comme... C'est drôle que tu puisses aimer un puis pas l'autre. Moi, je trouve ça particulier parce que c'est deux films d'ambiance, mais ça a l'air que ça se peut. Oui, mais ça revient à ce que tu disais au début de l'épisode. Tu sais, on a tous... on aime différents films pour différentes raisons. Ouais. Puis on a toutes des sensibilités différentes. Fait que des fois, ça vient nous toucher. Des fois, ça ne nous touche pas. Ouais. Les histoires de bon Dieu puis de trucs de religion, ça vient jamais me chercher. Fait que... Comme j'ai dit à Steven l'autre fois, je disais, j'aime pas l'exorciste. J'aime pas ce genre de film-là. Puis j'aime pas... quand il y a des prêtres. Puis tout, déjà d'avance, j'embarque pas. Là, fait que... Je le trouvais nice comme prêtre. Il était nerd. Avec ses lumières. Je le trouvais branleux pas mal, en tout cas. Mais branleux, en même temps, c'est logique qu'il veut juste faire comme « Ah ouais, je te vampire, je vais aller tuer tout le monde, cool. » Mais... J'ai pas cherché plus loin dans sa psychologie, j'embarquais pas dans le personnage. J'étais comme, je m'en foutais, j'étais pas sympathique avec lui. Là, j'aimais plus la vampire de l'autre film. Ouais. qui, elle, je la trouvais cool avec ses vinyles puis tout, puis j'aimais son style. T'as pas vu la fille danteuse devenir vampire, par exemple? Ben, je l'ai vu 5 minutes, puis... Ouais, quand elle sort de ses plus... étoiles, là. C'est ça. Mais c'est que rapidement, elle est comme... Mais pourquoi tu te penses encore humain quand t'es pas humain? Puis tu sais, c'était comme, t'as fait le switch vite en maudit, toi, ma chair, là, de humain puis humain, là. Vraiment rapidement, là. Tu sais, puis là, elle est comme vraiment supérieure. Puis il y a une fille qui se met à pleurer, puis elle fait, ah, oh, les humains, vous gossez à tout le temps pleurer. Puis je suis comme, dude, ça fait 2 semaines, là, reviens-en, là, t'as peu, là, tu sais, chemine. C'est parce qu'elle est totalement l'opposé de lui, puis elle est là pour alimenter son côté plus restreint qu'il veut pas laisser aller, en quelque sorte, puis c'est même jusqu'à la dernière scène. Là, mais elle est complètement folle, là. Elle attendait cet appartement-là avant même que le prêtre arrive. Elle a toujours attendu le moment où elle pourrait massacrer et dominer le monde. Là. Ah, elle attendait juste l'opportunité d'avoir quelqu'un qui va venir l'aider dans tout ça. Oui, c'est un dictateur, ça, je veux dire, c'est une folle, là. C'est vraiment quelqu'un qui attend juste d'avoir une opportunité pour avoir le pouvoir et de massacrer tout le monde. De toute façon, dès ce qu'elle dit par rapport à son mari et tous les événements que ça va entraîner, déjà là, tu perçois son jeu. Puis que autant au début, tu apprends pitié et tu as de la haine envers cette famille-là, autant ça va changer des deux côtés. Là. Tu vas avoir de la haine envers ce personnage-là, puis la famille, tu vas la prendre plus en pitié au bout du compte. Moi, j'ai jamais eu de haine, puis je vais te dire pourquoi. Parce qu'à un moment donné, elle parle d'ailleurs avec son fils, puis le prêtre, puis elle dit « Je l'ai toujours traité comme ma fille ou comme mon papy, comme mon petit chiot. Mm-hmm. » Puis elle dit « La boutique, parce qu'ils ont une boutique de linge, tout va lui appartenir à ma mort. » Mais son gars, il est pas mort quand elle dit ça, là. Elle dit ça de bonté de cœur. « Toutes mes affaires vont appartenir à elle. » Fait que moi, j'ai l'impression que cette femme-là, c'est juste une mère poule avec son fils. Point. Point final. C'est vrai, j'avais oublié ça. Elle nourrit un ressentiment qui n'est pas existant. Puis même quand elle la slappe parce qu'elle n'a jamais eu de fête, parce que c'est pas c'est quand sa date de fête, puis là, il se claque une claque, genre, en disant Tu m'as jamais fait donner d'anniversaire, je sais même pas c'est quand ma date d'anniversaire, puis là, il se claque une claque. Après ça, la chose qu'elle dit tout de suite après, c'est mais j'ai toujours super bien mangé à ma faim. Mais en même temps, t'es pas sa fille, on t'a droppé chez eux, puis elle a eu la bonté de te garder, de te donner un toit, puis de te donner de la bouffe. Mais elle la savait pas plus que toi, sa date de fête. Comprends? Fait que, tu sais, je suis comme... Je sais pas à quel point... Elle t'a pas traité en esclave, t'avais toujours une place pour dormir, t'as eu un emploi, puis elle avait tout te donner, puis t'as eu de la bouffe. Je sais pas, moi, à quel point tu fais si pitié que ça. Moi, je pense qu'elle est juste folle. Elle a nourri un ressentiment envers ses parents, géniteurs, puis elle a décidé qu'elle massacrerait tout le monde parce qu'elle n'a pas eu d'amour dans la vie. Tu sais, c'est pas plus compliqué que ça, moi, là. Est-ce qu'on a terminé la discussion? Non. OK. Non. En fait quoi? Je comprends pas, t'es pas fini le film parce que moi. Ça te dérange. Ça me dérange dans le sens que. Tu sais, gars, j'ai vraiment pas embarqué dans l'autre film, mais je l'ai fini. Ouais. Parce que c'est. Mais lui, il dure une heure de plus. 1h40, il y avait l'autre, il y avait genre 20 minutes de plus. Il dure 2h20. 2h14. Ben, en tout cas, tout ça pour dire que veux pas, le podcast, c'est comme une job en même temps d'être un plaisir. J'ai même pas réécouté le premier, Steven. Non, mais toi, tu l'as déjà vu. Mais je veux dire, dans le sens que, tu sais, il y a des films, des fois, que j'écoute sur le bras de fer du film, c'est pénible. Honnêtement, je l'aurais arrêté après une demi-heure, mais fallait que je perde mon après-midi à l'écouter. Mais je le termine parce que je me dis, s'il faut en parler dans un épisode, faut au moins que j'aie conscience de tout ce que j'ai vu. Sinon, c'est comme, j'ai justement vu la moitié d'une œuvre, puis peut-être que j'aurais plus aimé la deuxième moitié, par exemple. Fait que... Mais en même temps, je me suis dit, je vais représenter ceux qui sont prêts à le finir. Ça, c'était avant que j'aille vu le commentaire de Jean-François Ouellet, mais tu sais, je me disais, il y a d'autres personnes souvent qui n'aiment pas ça, puis je vais représenter ça. C'est pas mon genre de pas finir un film. J'ai fini tout le temps, puis c'est une règle pour moi d'habitude. Lui, il m'emmerdait vraiment, là, mais c'est arrivé très peu souvent. Tu sais, comme Pieces, j'avais skippé vers la fin. J'avais fait du fast-forward pour arriver à la fin. Mais lui, je sais pas, il m'a vraiment ennuyé au bout, là, puis... j'arrivais pas à trouver de l'énergie, j'arrivais vraiment pas à trouver l'énergie de le finir. Je trouvais que c'était long, puis je voyais plus la fin, là, tu sais. Puis à chaque fois, je regardais le temps qui restait, c'était comme, il reste encore 50 minutes, il reste encore 40 minutes, il reste encore une demi-heure. Je fais, fuck ça, là, je t'écœurie. Puis je suivais plus l'histoire, tu sais. Le plus ironique là-dedans, là, c'est que je trouve que la dernière demi-heure, c'est elle qui va le plus vite. Parce que. Mais sûrement. Parce que quand ils arrivent au point où ils décident de leur fin, moi, j'ai fait, ben voilà donc, il restait une demi-heure, mais on dirait, voilà, 2 minutes. Vraiment, là, ouais. Tu te dis, et ça finit de même. Mais moi, il me restait une demi-heure, me semble, puis il me reste juste 5 minutes. OK, ça, comme, je trouve que la dernière demi-heure, c'est vraiment elle qui passe le plus vite. Ils repeignent toute la maison en blanc, puis ils mettent des néons à grandeur. C'est super agressant au niveau des yeux. Puis ouais. À chaque fois que j'étais dans l'appartement, je me disais, mais pourquoi ils ont fait ça? Sérieux, j'ai jamais ma réponse. Pourquoi ils ont fait ça? Puis c'est même pas du... Pourquoi ils filment d'extérieur? Puis tu sais, c'est même pas une question de durée du film, parce qu'on a regardé, l'autre fois, dans le bras de fer des films, on a regardé le film d'Elvis, puis j'ai l'impression qu'il durait 5 heures, quasiment. Ah ouais, puis il durait 1h20 ou 1h40, puis c'était long. Puis on avait regardé un film de 4 heures qui avait l'air moins long que ça, tu sais. Puis cette semaine, j'ai regardé 2 fois le film de Martian sur Netflix, puis 2 fois en 3 jours, parce que j'ai capoté, puis j'ai l'impression que ça dure 5 minutes comme film, là, tu sais, je l'adore, ce film-là. Mais Thirst, je suis pas capable, tu sais, je sais pas. T'as pas accroché. Non, vraiment pas. Parce que, comme exemple, j'ai quelqu'un dans mes contacts Facebook qui fait quand même beaucoup de critiques sur son site de films. Puis il est tout en train d'écrire que, ah ouais, je suis en train d'écouter ça. Puis le nombre de films qui écrit le statut comme, ah, je l'ai arrêté après une demi-heure, c'est de la merde, tout ça, c'est comme. Comment tu peux critiquer. Mais non, ça, je comprends, là, ça, je suis d'accord. Puis là, je dis pas ça pour te cracher dessus déjà, mais c'est juste que je comprends pas le monde, tu sais, qui prennent la peine de tout le temps arrêter leur film puis de pas le finir puis d'en faire une critique complète alors que t'as même pas vu l'œuvre. Ça, je suis d'accord. Tu t'arriverais au bras de fer ou t'arriverais à Horreur Zimmer puis t'aurais pas vu un film aussi, puis ça me frustrait ou n'importe qui d'autre. Je comprends ta réaction. Puis je me disais aussi qu'à soir, c'était pas vraiment une excuse, mais je me doutais que vous alliez aimer le film. Vu qu'il l'avait recommandé, puis tu sais, c'est elle qui l'avait choisi, puis je me doutais que toi c'était un genre de film que t'aimais. Fait que je sais pas pour Sébastien, mais je me disais, tu sais, au pire, je parlerai pas, ça va faire comme The Witches, puis j'ai dit, au moins, pour les auditeurs, il va y avoir quelqu'un qui va défendre le film, tu sais. Puis moi, je serais celui qui a pas aimé ça, puis qui va représenter la minorité qui aime pas ce film-là, j'imagine, tu sais. Mais c'est pas une excuse. En même temps, c'est un statement, tu l'as pas fini. Ouais. Je comprends vraiment le point de Steven, tu peux pas le critiquer. Non. En même temps, c'est un statement, je l'ai pas fini, je trouve que la critique est claire. Là. Ouais, non, je sais. Bon, moi, je parce que ça. Moi, désolé, moi, ça me dérange pas parce que je trouve qu'il critique quand même. Puis je pense pas que oui, le film La dernière demeure est vraiment, vraiment bonne, puis ça donne un autre regard au film, mais je pense pas que tu peux faire « Ah, finalement, j'ai aimé ça, parce que la dernière demi-heure, j'ai aimé ça. » Mais tu sais, jamais, j'irai écrire sur un blog ou dans une publication ou quelque chose, tu sais, une critique du film. Je l'ai pas fini. Je le finissais, ouais. Oui, peut-être, mais tu sais, là, je pourrais, mais tu sais, je sais très bien que je pourrais pas. Est-ce qu'un podcast, c'est la même chose? Je sais pas, tu sais, est-ce que c'est... Tu sais, d'habitude, oui, je fais vraiment l'effort, mais je sais pas... C'est drôle, tu dis minorité, mais en tant que tel, Thirst a quand même beaucoup divisé les gens quand tu regardes plus en profondeur sur l'Internet. Mais moi, je me dis la même chose pour l'autre film d'avant. Je me sens comme une minorité parce que le film est quand même super bien reçu avec des super notes. Fait, je pense qu'on a comme chacun de notre côté. Moi, je vous le dis, j'ai suggéré Thirst, mais je m'en souvenais plus. Fait que je me souvenais plus si j'avais aimé ça ou pas. Mais je me souvenais que ça faisait 2 fois que je l'écoutais, puis je me souvenais plus fuck all du film. J'ai dit, ben là, une troisième écoute. Là, si je m'en souviens toujours pas, là. Puis tu sais, en même temps, ça me fait peur, parce que j'ai suggéré un film pour la semaine, pour le prochain épisode, puis je suis comme, ils vont-tu l'écouter ou ben ils vont pas l'écouter, tu sais, juste pour se venger, tu sais. Principalement, j'ai juste lundi, mardi, mercredi, ben booké, fait que j'aimerais être correct. non, mais tu sais, c'est ça, tu sais, je veux pas qu'on ça devienne une habitude qu'on regarde pas les films non plus, parce que ça nous tente pas, tu sais, sinon le monde, ils vont dire, ben là, changer de membre ouais, d'équipe. De créneau, là, c'est ça. Ou changer de membre d'équipe. Ou changer d'équipe de film, aussi, tu sais. C'est ça, tu sais. Mais non, mais ça fait partie de la job, là, de regarder des films qui sont pas dans nos cordes, mais ouais. Je suis coupable de pas avoir terminé, puis j'ai pas vraiment envie de le terminer. J'aurais plus envie de lire Thérèse Baquin, je pense. Je suis d'accord. Je suis d'accord avec toi, Jeff, dans le sens où moi, j'avais critiqué le film A Tree of Life. Puis je pense que je l'ai fini, mais à 4 pattes dans la salle de cinéma, « Sortez-moi de là! Sortez-moi d'ici! » Non, je l'avais vraiment fini sur mon cellulaire, là. J'étais plus capable, là. Puis à la fin, ça se ramasse à la plage, puis j'étais comme « Ah! Je vais mourir! » T'sais, quand mais on a il fait, fallait que je le critique. Le droit de faire des films, quand on a fait Hamlet 2 il y a quelques semaines, j'aurais aimé ça que tu sois là pour me dire pourquoi tu l'as pas fini le film. Pourquoi tu l'as. C'est ça, mais j'aurais aimé ça que tu le dises au micro, tu sais, pourquoi tu l'as pas. Pourquoi t'as. Tu sais, ça aurait été le fun, puis avoir ton opinion aussi sur le Roi Lion. Mais c'est ça. Je me disais pas qu'elle était valide, mon opinion, à soir, mais je me disais. Ben, moi, je trouve que oui, mais je comprends le point de Steven aussi. Ah oui. C'est valide, mais ça manque de crédibilité. Mais je suis pas fâché contre Non, mais il y a peut-être du monde qui vont penser comme toi, Steven, puis qui vont être fâchés contre moi aussi de ne pas avoir fini le film. Fait que... Ben, sa critique est valide, mais c'est pas complet. Non, c'est pas complet. Je le dis. C'est ça. Tu as critiqué ce que tu as vu, puis c'est correct. C'est ça que je veux dire. Oui. Je t'en veux pas non plus. Je finirai peut-être un jour, je sais pas. Ben, oui. Je t'ai pas obligé. Faut que je recommence, là, mais. Ouais, si j'attends trop longtemps. Lis Thérèse Raquin, comme t'as dit. Ouais, je pense que je vais faire ça. Mais c'est pas la même fin. Non, probablement pas. Similaire, par exemple, mais c'est des ventes. C'est pour ça que je voulais que vous parliez de la fin pour que je puisse avoir un résumé de la fin. Il meurt tout. Ah, ok. Steven fait une drôle de face. Tout le monde meurt. C'est un film d'horreur, tout le monde meurt aussi. Mais la scène est vraiment belle. C'est comme la fin est écœurante. Ouais. Mais en fait, je sais même pas s'il meurt tout. Je pense qu'Evelyne meurt pas. Ben non. Je sais, Steven, c'était ça le gag. Genre le personnage que personne se souvient pis font comme... Y'a-t-il une fille qui s'est... Ah ouais, meurt pas maintenant! Ah, c'est vrai, y'a un moment où on la va se relever. Ah, c'était pas pertinent, ça. Non, c'était pas très pertinent. Tu vois, c'était ça le gag. Evelyne meurt pas. Fait que là, y'a Thurs 2, le comeback d'Evelyne. Ben, elle pourra pas faire grand-chose. Non. Ben, Thurs 2, le comeback d'Evelyne. Ok. D'ailleurs, es-tu fucking plus belle, Evelyne, que notre personnage féminin principal? Ah, plus belle. C'est qui, Evelyne? Je sais pas. C'est dans la gang de personnes qui jouent Mahjong, il y a une autre fille, genre, qui est comme crissement background. Je m'en souviens pas. Et moi, ça me fait juste rire parce que j'ai des insides avec des personnes qui s'appelaient Evelyne, ça fait que je m'en souviens. Mais ouais, c'est ça, c'est un personnage crissement insignifiant, puis on pense qu'elle est morte, finalement, elle est pas morte. Mais ils prennent le temps de nous le dire, là, au cas où que... C'est ça drôle, des fois, dans les films, quand justement, le personnage le plus insignifiant finit par survivre, tu sais. Mais en fait, c'est juste pour nous montrer que le prêtre a pas atteint le point de non-retour comme l'autre fille, parce qu'à partir de là, tu te rends compte que le prêtre, il a jamais tué personne, c'est tout le temps elle qui a fait ça. Fait que c'est comme un peu pour montrer, parce que sur le coup, tu penses qu'il a dépassé la limite, mais ça sert plus à ça, là. OK. Ben, moi aussi, je l'avais vu de même, mais tu sais, je pense qu'elle rentre à la fin. Je m'en doutais, là. C'est ça, tu t'en fous. Il l'aurait pas montré, puis je m'aurais dit, ah, je suis sûr qu'elle est pas morte. Ouais, c'est ça, exactement. Bon, ben, je pense que là-dessus, on va terminer avec... on va aller en chanson, en fait. On va aller écouter une chanson de Vampire. J'ai pas trouvé de chanson par rapport au film en tant que tel, mais on a pensé à mettre la chanson du film Fright Night de 1987 par le groupe J.G. Gill's Band. Et après la chanson, on va revenir avec nos recommandations d'autres films. Qu'est-ce que nous, on recommande chacun comme film de vampire venu d'ailleurs? Fait que revenez-nous après la chanson. Alors, nos recommandations de films de vampires venus d'ailleurs, nos recommandations individuelles. Je voyais tout de suite avec celle-là de Sébastien, vu qu'il est absent. Son film, c'est Chronos. C'est Guillermo del Toro, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. Fait que ça, c'est sa recommandation de film venu d'ailleurs. Vicky, la tienne? Moi, c'est Afflicted. Malheureusement, il était disponible sur Netflix. C'est comme ça que je l'ai écouté. Puis là, il n'est plus là. Mais je pense que les films spéciaux Netflix, ils ont peut-être tendance à revenir, quitter puis revenir. Fait que surveillez-le. Si vous le voyez, Afflicted, c'est un caméra à l'épaule, un fan footage de deux gars qui partent en voyage. Puis il se passe des choses bizarres. Puis il y en a un qui finit par être transformé en vampire. Mais c'est sa transformation lente. Puis en fan footage, c'était vraiment bien fait. C'était bien tourné. J'avais été surprise. C'était un film que j'avais écouté, je pense, exactement comme ça, un dimanche après-midi. J'avais vraiment bien apprécié mon écoute. Fait qu'applique tout à surveiller sur Netflix. C'est vrai, je m'en souvenais plus. Mais j'avais pas pu aimer ça. Les effets spéciaux sont vraiment impressionnants. Vraiment, hein, pour un fan footage qui a pratiquement rien coûté, c'est très impressionnant. Puis on est beaucoup en Italie. Puis je trouve que c'est des quartiers qu'on voit peu. Il y a eu le truc d'un catacombe de France, de Paris, qui a copogné pas mal. Moi, je ne l'ai vraiment pas aimé, mais ça, c'est mes opinions. Mais celui-là, je trouve qu'il exploite bien la ville, les recoins, la structure, la hauteur des buildings, l'architecture très différente qu'une architecture de ville. Fait que c'est canadien-américain comme film, mais vu que c'est tourné ailleurs puis qu'on sent l'étranger dans le tournage, je voulais le mentionner. Surtout que là, les deux films d'asseoir, c'était bien. Là, j'avais plus bien d'idées en tout cas. Et Steven? Moi, je reste dans le côté asiatique. J'y vais avec Rigor Mortis de Juno Max. C'était mon numéro 1 de 2014. J'ai pas arrêté d'acheter tout le monde avec ça. Il est encore disponible sur Netflix, si je me trompe pas. Rapidement, ça raconte l'histoire d'un ex-acteur sur le déclin qui n'a plus de job puis qu'il est arrivé une tragédie... dans sa famille. Il va se rendre dans une espèce d'hôtel lugubre pour aller louer une chambre. Il veut commettre un suicide, mais il va arriver quelque chose d'étrange durant ce moment-là. Puis il va se rendre compte que dans le fond, le bâtiment est envahi de trucs surnaturels, de vampires, de fantômes. Puis il va apprendre à connaître les personnages-là qui sont aussi dans un genre de quotidien lugubre, puis il va se créer toutes sortes de liens puis d'événements étranges. C'est un film de vampire tellement unique, visuellement super beau. Je le conseille fortement. C'est le genre de film que vous avez sans doute jamais vu si vous n'avez jamais vu Monsieur Vampire, parce que le film s'en inspire beaucoup. C'est comme un hommage, mais sans humour, parce que Monsieur Vampire, c'est plus une comédie vampirique, tandis que là, c'est plus un film d'horreur sérieux avec de la violence très graphique. Fait que je le recommande chaudement. Encore un autre film sur lequel on se rejoignait pas. Non, je sais. Moi non plus, je l'avais pas aimé. Mais Sylvain Desmentis l'avait beaucoup aimé, il me semble. Il était ton côté là-dessus. Mais moi, en fait, c'est que j'avais dit, je pensais ne pas comprendre les codes. Je sais pas si tu tiens, Steven, la conversation qu'on avait eue là-dessus. Je trouvais que je manquais d'informations pour comprendre les codes du film. Le film joue beaucoup sur la culture et les croyances chinoises. Ouais. Fait que je peux comprendre, mais je pense pas que ça va empêcher les gens de l'apprécier. Non, tu peux l'apprécier, c'est ça exactement, si tu n'essaies pas de tout décoder, ce qui est mon cas dans tous les films. Fait que, c'est dur. Ben moi, j'hésitais entre deux films que je considérais des classiques du film de vampire étranger. C'était soit Nosferatu ou Let the Right One In. Je vois avec Let the Right One In de 2008 de Thomas Alfredson. Et donc, ben c'est ça. En gros, c'est juste une super de belle histoire d'amour pour moi, selon moi, puis entre deux jeunes enfants, une jeune vampire de... Elle a l'apparence d'une jeune fille, mais c'est une vampire de genre 200 ans, je sais pas trop. Puis un petit garçon de 11-12 ans qui s'appelle Oscar, puis... C'est ça, c'est un film suédois, puis que moi j'ai trouvé d'une grande poésie, une grande beauté, autant dans le jeu que dans les images et tout ça. Juste la scène de la piscine vers la fin, c'est un ballet visuel que j'ai adoré. Scène d'anthologie, ça. Ah oui, puis le remake, j'avais bien aimé, mais pas autant que l'original, fait que je recommande fortement l'original. Puis là, vas-y. Non, ouais, je pense là, que t'as c'est pas aimé là ça. Que Steven, c'est ça, tu vois que l'épisode sera pas assez long, ben on va se rajouter un 15 minutes grâce à l'aide de Ride One. Moi, j'avais pas aimé, mais encore une fois, les deux gros problèmes, le hype, quand que, tu sais, tout le monde t'a dit c'est un super bon film, vous l'avez vécu avec deux films, toi avec Thirst, toi avec A Girl Walk Home Alone at Night. Les deux, vous êtes dit, crème, il y a un gros hype. Puis c'est juste ça. sais, puis ce que vous avez vécu en disant, regarde, il y a des bons pourcentages de Rotten Tomatoes. Moi, c'était la même affaire. Il y avait tellement de revues qui parlaient de ce film-là. Moi, je pense que j'étais à ma dernière année de bac à l'université. Puis il y a eu 3 films qui ont full, comme, pété de partout durant. Puis à ma 3e année, c'était celui-là. Ma première année, j'ai un blanc. Ma 2e année, c'était le film sur le pétrole avec Daniel Day-Lewis. Là, There Will Be Blood. C'est ça, There Will Be Blood. C'était ce film-là dont tout le monde parlait. Première année, j'ai un blanc. Puis la première année, c'est Country for an Old Man. Mm-hmm. Avec qui tue là, avec le truc à cochon, là. Puis la 3e année, c'est ce film-là. Mais tu sais, là, quand t'es dans un bac en cinéma, c'est que le film dont tous les profs parlent, que tous les étudiants parlent, puis que, tu sais, c'est le truc à voir, puis le truc d'auteur. Fait que là, tu te dis, bon, ben, moi, je commence, là, dans mon univers de cinéma d'auteur. Fait que, go, je commence. Et je pogne ça, et j'ai pas compris le hype. Moi, pour moi, un film de vampire, surtout à cette époque-là, c'était encore sanglant. Fait que là, je suis comme, il y a une scène sanglante, je comprends pas. Et j'avais vraiment pas compris la relation des personnages. Les deux jeunes, j'étais comme, mais je m'en fous. Alors, pour vrai, j'avais, comme, moi, les paysages glaciaux, je vais au Québec, mais encore les stus, j'ai eu ça en neige. J'avais vraiment pas catché. J'y ai redonné une autre chance quand le remake est sorti. Je me suis dit, ça serait peut-être bon, je vais écouter le remake. J'ai apprécié. J'ai dit, bon, ben, je vais réessayer l'original. Je l'ai plus apprécié à ma deuxième écoute, sachant à quoi m'attendre. Parce que, tu sais, tout le monde m'a dit, c'est genre le film de vampire de l'année. Moi, je m'attends à ce qu'il y ait des têtes qui roulent, à quelque part. Tu sais, je m'attends à beaucoup plus que ça. T'es comme, c'est ça le film de vampire de l'année, c'est ça le hype cette année dans le bac de cinéma à l'Université de Montréal, le film dont tout le monde parle, c'est ça. Et que j'avais été déçue. Deuxième écoute, j'avais mieux aimé, mais ça rentre exactement dans ce qu'on dit, un film que tout le monde aime, que c'est un film d'ambiance, là. Vous ne pouvez pas dire le contraire, que l'aide de Red Vernon, c'est un film d'ambiance. Là. Ben oui. Ouais. Bon, mais moi, cette ambiance-là, je n'avais pas accroché. J'accroché à les autres, mais celle-là, là, no way. Puis, tantôt, dans A Girl Walk Home Alone at Night, le film finit où on ne sait pas où que les personnages vont aller. Et le film finit par une dépendance l'un de l'autre. Et j'ai trouvé que cette dépendance-là m'a fait penser à la petite fille avec l'homme qui est plus vieux dans Let the Right One In. Puis j'ai l'impression que c'est quasiment un prequel. Dans le sens où, éventuellement, peut-être que cette fille-là, autant de jours que dans d'autres pays, que si elle sort de son environnement, elle va avoir besoin du gars pour la nourrir. Et moi, j'ai trouvé que la relation à la fin de A Girl me faisait penser à la relation au début dans Let the Right One In. Mm, c'est Et c'est la fin également du remake de Let the Right One In. Comment ça s'appelle le remake? Ça semble qu'il y a Let Me In. Ouais, Let Me In. Let Me In, c'est, ils ont exactement le même genre de fin. Une espèce de relation d'amour et de dépendance. Et j'ai trouvé que les deux films se rejoignaient au niveau de leur fin. Tantôt, je ne l'ai pas en parlé parce que je trouvais que c'était plus être pertinent quand on allait parler de Let Me In et Let the Right One In. La fin, c'est peut-être une relation d'amour, mais j'ai l'impression que c'est une relation de dépendance qui se crée. Et quand le garçon hésite, c'est qu'il comprend la lourdeur de son destin, dans un sens. C'est que s'il embarque avec cette fille-là et il continue à aller avec elle, ben c'est exactement ce que le vieux monsieur fait dans Let the Right One In au début. C'est ça qu'il va faire. Puis il sait que c'est ça qui s'en vient. Fait que j'ai trouvé que ces deux films-là avaient une relation intrinsèque. Donc, qui est comme entre les lignes, qui est dans l'analyse. Puis c'est ça, je te dis, Steven, j'analyse tout. Fait que moi, Viggo Mortis, c'est trop épais pour moi. Épais, non dans le sens de stupide, mais épais dans le sens de trop d'épaisseur, trop ouais, de brume. Il y a trop de brume dans Viggo Mortis, alors que moi, dans un film comme ça, je suis capable de l'analyser. Fait que ça me réconforte. Bref, je sais pas si vous voyez le même lien entre les deux films. Oui, non, que ça moi, fait là. Du sens. Ça fait non, du sens. Ça fait du sens. Il semble que dans Let the Right One In, il disait justement que le vieux monsieur avait été avec elle depuis longtemps, puis dans le fond, c'était le petit garçon allait devenir un peu comme lui aussi. Là, ouais. C'était comme une. Elle changeait de personne à chaque fois. Là, à chaque, ouais, à chaque c'est souvent 60 son ans, père, c'est ça. Ans, souvent, c'est... ton père, puis comme c'est pas mon père, c'est pas mon père. Ça fait du sens, c'est juste que dans ce film-là, je m'en colissais parce que je croyais pas à cette relation-là. Tandis qu'Oscar puis l'autre, j'y croyais plus à leur relation. Mm-hmm. J'aime tellement le petit garçon, il est tellement charmant. Puis les scènes avec sa mère, des fois, qu'on a, là, c'est tellement cute. Puis en tout cas, j'aime ça. Mais moi, j'ai plus accroché à la version américaine, Let Me In. Mais j'aimais ça aussi, j'aime beaucoup Chloé Moretz. C'est différent, c'est ça qui est cool. Au lieu de juste faire un copier-coller, ils ont... Ils mettent beaucoup l'accent sur le policier aussi, il me semble, dans le remake. Ouais, il me semble. Ouais. Mais bref, j'ai trouvé que cette relation-là dans Let Me In et Let the Right One In était très similaire à la fin de A Girl Walk Home Alone at Night. Bonne observation. Yes. C'est ce que je voulais dire. Bon, mais je pense qu'on a terminé là-dessus. Mm-hmm. Je pense qu'on a tout dit. J'ai réussi à rajouter 15 minutes. Est-ce qu'on t'a fait là? le prochain épisode, épisode 61, est-ce qu'on était sûr que les films qu'on voulait faire? Oui. Pas mal, oui. Ben, je me souviens pas des deux choix, des deux titres, mais je pense qu'on avait... un, mais t'en avais un deuxième... Bon, on avait spoté un deuxième, mais regarde, on va laisser... Au pire, on peut laisser, s'il y en a qui ont une idée de deuxième aussi, on peut laisser ça ouvert. Ils ont une semaine pour nous répondre. Donc là, on va dans le film russe. Ouais, c'est ça, le film d'horreur russe. Ben, mon choix, c'était V, V-I-Y, 1967, inspiré d'une nouvelle ou d'un roman de Gogol, Nikolaï Gogol, je pense. Ton film que tu as choisi, je me souviens plus, c'est quoi, en tout cas? Pas moi non plus, j'étais dans la liste. Moi, en fait, j'étais allé sur Wikipédia, j'ai fait liste de films d'horreur russes, mais sorti une dizaine de titres. S'il y a peut-être quelque chose, vous aussi, qui vous ressort ben, c'est avec ça. Le choix de JF, on a pensé, film d'horreur russe, on n'a jamais vraiment été là, je pense. Là. Sinon, on prendra celui qu'on avait pensé, mais celui que tu avais pensé, mais si quelqu'un a un choix à nous proposer... Je me rappelle du film de Vicky. C'est quoi? Le film n'était pas russe, mais ça traitait d'une histoire vraie de la Russie, de Devil Pass, le fan footage de Rennie Harlin. Ah, OK, oui, mais ça, je m'en souviens. OK, excusez. Non, je pensais parce qu'on avait vraiment dans la liste, puis je n'avais sorti deux titres dans la liste. On peut avoir des descriptions sur Wikipédia, fait que je pensais que vous l'allez avec ça. Mais oui, on peut y aller avec de Devil's Pass. Je l'ai conseillé à une amie cette semaine, puis elle a écouté, puis elle a vraiment trouvé ça fréquent. Bon, ben allons-y avec ça. Je pense V, puis de Devil Pass, puis... On verra ce que ça donne. C'est un vieux, vieux souvenir de vie, en tout cas. C'est comme toi, Peter, là, je m'en souviens pas vraiment. J'ai quelques images dans la tête. Mais super. Fait que The Devil's Pass, puis il doit être encore disponible sur Netflix s'il y en a qui veulent l'écouter avant l'émission. Ah, puis moi, j'ai encore trouvé un film pas trouvable. Fait que... mais peut-être qu'il va être sur archive.org, par exemple. On va vérifier, on va essayer de vous trouver un lien quelque part. Ouais, c'est ça. Il est peut-être même sur c'est ça, un film russe. Il est peut-être même sur Vimeo ou YouTube, là. Ouais. OK. Avec russe sous-titré japonais, génial. Ça va être un télé. Facile à suivre, ça. Fait que, merci beaucoup de nous suivre, tout le monde. Puis, allez sur notre page Facebook, commentez, puis donnez des suggestions de films à couvrir, des trucs comme ça pour les prochains épisodes. Puis, merci Steven, merci Vicky. Yeah! Merci à toi, Jeff. Sébastien, on espère que tu vas être là la prochaine fois. Yeah! T'es mieux. Ouais. Puis, petite raison, là. L'eau coule dans le sol, la plomberie est pétée. Ben oui, tu prends une heure pour venir faire l'épisode, c'est tout, là. Non, je pense pas que c'est la plomberie. Il mouille pas beaucoup par chez vous, nous, il mouille intense, là. Ah ouais, toute la journée, c'est vrai. Ah, mais c'est ça, d'un coup, ça peut être dur sur les refoulements d'eau. Mm-hmm. Yes, bon ben, bye les boys! Bye bye. Adios. Gardez ça horreur. Êtes-vous prêt à continuer ou... Ouais. Mm-hmm. Ils ont dit va? Hein? Quoi? Ils ont dit va? On dit va? On dit va? On y va, ouais. On divorce? On y va, on divorce? Fait que c'est toi qui fais résumé, oui. Voilà! Quand tu j'ai... Voyons, j'ai... Quand tu veux! Je suis comme, OK, go! Tais-toi! Hey, la la la la la la la!